Bonsoir à toutes et à tous, et aux autres, et bienvenue dans Faucon Millénial, le podcast des islamo-gauchistes autogérés. D'ailleurs, c'est une mutinerie ce soir, puisque nous avons destitué le capitaine Grushkov et mis en place une assemblée générale. Je suis Matt, et je serai accompagné de mes chers camarades Tuki. Funeli. Ximnut. Et Adrien. Bon, et par contre, comme la guillotine laser a toujours pas été réparée, Grushkov sera aussi avec nous. Ça va, Grushkov? Tu m'étonnes. Et aujourd'hui, bah, du coup, par contre, c'est un épisode un peu spécial parce qu'on est le 1er mai, c'est la journée. On n'entend pas les autres. Oui. Ah non, je l'ai fait. Ah non, j'avais fait. Pardon. Ça marche très bien. Ça marche beaucoup mieux maintenant, je suis sûr. Coucou, vous nous entendez les gens? Je vais pas la refaire, ils vous ont dit bonjour techniquement, ils ont dit bonjour. Non mais en plus, j'avais fait exprès, j'avais tout paramétré pour que ça marche bien, et non ça marche pas. Mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, comme je disais, c'est le 1er mai, c'est la journée internationale des travailleurs, donc c'est un jour férié, hein, c'est chouette, mais c'est aussi surtout une journée historique de lutte ouvrière, et du coup quel meilleur invité aujourd'hui qu'un autre turbo-gauchiste, Benjamin, aka Bolchegeek. Bonsoir à toutes et à tous. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, même si je pense que la plupart des auditeurs aujourd'hui sont là grâce à toi, hein, mais tu es vidéaste, auteur-réalisateur d'essais comme La haine des riches, L'industriel du divertissement ou John Wick et le contrat social, ainsi que d'une série de chroniques fiction In Apocalypse. Et tu reçois également des invités sur Twitch dans le Hasta la Vista Fauteuil Club, dont notamment il y a un mois, jour pour jour, un certain Philippe Poutou. Il est sympa? Oh oui, oh oui, très. Comme vous pouvez vous en douter. Notre président. Mais oui, président dans notre cœur et maire de Bordeaux. C'est ça, mais justement, si on t'invite aujourd'hui, c'est pas uniquement pour tes accointances avec notre président, mais c'est surtout pour discuter d'un sujet. Quelle lecture politique peut-on faire de Star Wars? Et pour ça, on va commencer la saga avec l'ordre chronologique finalement, mais de sortie, ce coup-ci, hein, pas avec la prélogie, on commence directement avec La Guerre des Étoiles, sortie en 77. Et pour commencer, je pense qu'on peut parler un peu du contexte de l'époque. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Bah, 77, donc, c'est. Coupé dire. C'est une période spéciale aux États-Unis. Hein. C'est-à-dire que bah, c'est à la fin sortie du Vietnam. Bah, c'est la fin de la guerre du Vietnam. Elle est finie depuis 2 ans, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, depuis peu. Oui, merci Jean-Joseph, effectivement c'est avant 78-77, c'est vrai que c'est très pertinent à relever. 77, c'est l'année où la guillotine a été utilisée pour la dernière fois en France. Ah, merci, c'est génial le contexte. Non, mais surtout, voilà. Non mais j'imagine Georges se poser la question, se dit putain, faut faire quelque chose là, c'est un symbole qui disparaît. C'est pour ça qu'on a failli en avoir une dans l'épisode 9. Non, aucun rapport. Mais du coup, non, effectivement, les États-Unis en 77, du coup, ouais, c'est la fin de la guerre du Vietnam. Mais c'est quelque chose qui finalement a pas mal marqué, je pense, le film en soi. Et notamment George Lucas, sinon on n'en aurait pas parlé dans son film. Mais pourquoi ça touche aussi justement Lucas? Parce qu'il vient d'un milieu finalement qui est. Finalement contre la guerre à cette époque-là, qui est le milieu d'Hollywood. Et ça, je pense que tu peux nous en parler un peu plus, justement, Benjamin. Bah oui, disons que Lucas, il y a dans le bouquin le Star Wars, le côté obscur de l'Amérique, dont on va reparler, je pense, après. Mmh. Il explique que Lucas, il a même pensé à s'engager dans l'armée, mais dans 10 ans auparavant, quelque chose comme ça. Et c'est assez symptomatique du changement de mentalité, parce que le Vietnam, c'est pas juste on est contre la guerre parce que c'est comme ça, c'est pas bien la guerre. C'est qu'il y a vraiment un changement de mentalité chez les Américains. Ça leur a fait vraiment très très mal cette histoire. Mmh. Et quand à la sortie de la guerre, il y a quand même beaucoup de milieux, mais ça déborde les milieux universitaires, artistiques, Hollywood, tout ça. Ça a vraiment fait très très mal cette histoire, et c'est très très mal. Ça a vraiment foutu la merde en interne aux États-Unis. Donc fatalement, Lucas, quand il fait Star Wars, qui est une histoire de guerre, même si c'est un truc de SF, il est obligé d'avoir ça en tête. Et oui, on peut imaginer qu'il est quand même plutôt dans des milieux où c'est assez impopulaire. Déjà que c'est une guerre qui est très impopulaire de manière générale dans la population. Et surtout, oui, forcément, quand il sort ça, tout le monde a ça en tête, et lui, il a forcément ça en tête quand il le développe, quoi. Donc, même si c'est pas forcément... moi, j'aime pas trop les trucs genre, c'est une métaphore de la guerre du Vietnam, point. Parce que il y a aussi d'autres... ça peut faire penser à beaucoup d'autres choses de la culture américaine. C'est sûr que tout le monde a ça en tête, quoi. Genre, ça a été un tel... Ça a été un tel choc culturel. Puis c'est les années 70, pardon, je termine là-dessus, mais c'est les années 70, donc on est un petit peu avant le tournant ultra-libéral, Reagan, les années 80, quoi, où tout est devenu pourri. Alors il y a eu Nixon, on pourra en parler de Nixon, mais il n'y a pas eu encore à l'échelle mondiale ce grand tournant des années 80 ultra-libéral. Et donc on est encore dans c'est les années 70, quoi, mais sans vouloir faire le cliché, c'est quand même c'était la classe, quoi. Enfin, genre, il y avait des mouvements de partout, le mouvement hippie, le flow power, donc surtout en Californie, quoi. Ouais, carrément. C'est vrai qu'on n'a pas précisé. D'ailleurs, Lucas, il est même de San Francisco, je crois. Donc c'est vraiment c'est un peu la ville des gauchistes, quoi, à ce moment-là, puis de la contre-culture. Et ouais, c'est un moment où t'as des luttes anti-militaires, enfin pas anti-militaires, pacifistes, anti-guerre, sont hyper importantes. Mais t'as aussi tous les mouvements anti-racistes qui sont très très forts. T'as les mouvements féministes qui sont très très forts. T'as énormément d'effervescence là-dessus. En fait, ça, c'est vraiment une période qui, c'est vraiment la fin de la période des grandes contestations, et y compris même du système économique. Hein, c'est les grands trucs, les grands mouvements anticapitalistes. Et enfin, t'as vraiment à tous les niveaux de l'effervescence. D'ailleurs, je recommande La Société Ingouvernable de Chamaillou, où il explique qu'à cette époque-là, même les grandes entreprises. Ça va être important aussi dans la lecture, je pense, de Lucas. C'est un moment, les années 60-70, où les grandes entreprises américaines, les grands conglomérats, etc., ils flippent, en fait. Ils flippent vraiment. C'est-à-dire, t'as des textes où tu vois que tout ce truc militant, tout ce qui est en train de se passer, ça fait vraiment peur à Washington, à Wall Street, ouais. Et dans toutes les sphères de pouvoir, quoi. Puis après, c'est devenu pourri quelques années après, parce que voilà, les années 80. Mais voilà, c'est ça, en gros, le contexte politique, quoi. Surtout, t'as toujours en plus le spectre du communisme derrière. Enfin, bien sûr. Le grand méchant rouge. Mais voilà, effectivement, Lucas, lui, il avait 11 ans quand la guerre du Vietnam a commencé, donc il a vraiment grandi avec, comme tu disais. Il a voulu s'engager. Normalement, il aurait dû y aller, au final, mais il était diabétique. Donc, en fait, il a échappé comme ça. Mais sinon, ouais, c'était il est vraiment de la génération qui y est allée, quoi. Et voilà, ça teinte forcément, effectivement, le récit. Mais après, il y a d'autres éléments aussi, hein, parce que là, si on cherche une lecture politique dans la première trilogie, forcément, ça va être l'opposition Empire-Rébellion, Alliance Rebelle. Ça va surtout être à ce niveau-là, et forcément, il y a les différences à l'écran entre les deux, les deux camps, les différences d'esthétique, je pense. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ce sujet ? Ouais, à propos de justement de la transformation de la société, hein, dont vous nous avez fait part par rapport aux États-Unis dans les années 70, c'est aussi la transformation du cinéma. C'est-à-dire que quelques années auparavant, il y a Jaws, donc réalisé par Steven Spielberg, qui vient littéralement bouleverser les habitudes du nouvel Hollywood. Tant dans la consommation des films que la consommation du merchandising, qui commence à devenir quelque chose d'important. Et à côté, en même temps, il y a le blockbuster qui naît avec Star Wars et avec Jaws. Et donc voilà, ça va, je pense, aussi être le symptôme et aussi l'une des causes mais en tout cas, ça accompagne les années Reagan dont Benjamin a parlé tout à l'heure. Oui, parce qu'en plus, ce qu'on a oublié de citer, c'est qu'il est issu, finalement, malgré tout, même s'il a contribué à le détruire, mais du nouvel Hollywood, Lucas. Oui, complètement. C'est... Lucas était un gros fan de nouvel Hollywood, et c'est d'ailleurs un petit peu paradoxal, parce que c'est lui qui a mis fin, en fait. Ouais, lui, il voulait faire un truc... Enfin, redonner du pouvoir aux créateurs et tout ça, et au final il a renforcé le pouvoir des studios à force de blockbuster, en fait. C'est tragique. Ah, pour lui. Si tu te demandes du budget, effectivement, les studios ont pris le dessus. Mais le truc, c'est que le nouvel Hollywood, c'est quand même des films qui étaient assez sombres, finalement, par rapport à ce qu'était le cinéma américain auparavant. Et lui, il a profité, enfin, il faisait partie un peu de ce mouvement, mais dans l'idée de faire des films plutôt feel good, quoi. Et ça s'est un petit peu retourné contre lui, ça je pense qu'on en parlera un peu plus tard finalement, parce que ça a été récupéré pas forcément de la bonne manière. Mais il y avait cet élément-là également. Ouais. Complètement. Vas-y, Benjamin. Si je peux, il y a un truc aussi que je trouve intéressant, c'est vrai que tu as ce paradoxe de toute la clique Spielberg, Lucas, qui en fait crée l'ère du blockbuster, qui est ce qu'on... l'ère dans laquelle on est maintenant, mais c'est encore un truc qui accompagne les années 80, en fait, tout ce switch. Là, et on est encore dedans, là, on en voit le bout avec Disney et tout. Et ce qui est marrant, je trouve, c'est qu'effectivement, ça paraît paradoxal, mais en même temps, aussi maintenant, on a tellement l'impression que Star Wars, alors surtout maintenant que c'est Disney encore plus, mais que Star Wars, c'est vraiment le blockbuster, c'est le truc blockbuster, c'est le popcorn absolu. En fait, bizarrement, si tu regardes Lucas ce qu'il disait et comment il pensait le truc, bah, en fait, c'est un film indépendant. En fait, ça nous paraît paradoxal parce qu'on sait ce qui se passe par la suite, parce qu'il a créé justement une espèce d'empire qui s'est fait lui-même bouffer par un plus gros empire plus tard. Mais en fait, lui, il le perçoit vraiment comme un film indépendant, ce qui est le cas dans ses conditions de production. Mais en plus, contractuellement, les six premiers le sont. Enfin, ce sont des films indépendants. Complètement. Et c'est du coup c'est vrai que ça nous paraît, c'est pas si paradoxal que ça, parce que Star Wars, c'est quand Lucas il dit moi je veux avoir tout le pouvoir, pour les créatifs devraient avoir tout le pouvoir, c'est dans cet ordre d'idée qui fait Star Wars aussi au final, il est dans ce truc là et c'est assez marrant les interviews de Lucas, ça revient vraiment souvent, ce truc de il déteste les studios, quoi. C'est vraiment un truc de fou, même des interviews où il est plus vieux. Il a vraiment un truc. Là, je suis en train de monter une vidéo et par coïncidence, je suis retombé sur une interview de Lucas où il dit mais en fait, au moment où il y avait l'URSS, il était pote avec des cinéastes soviétiques et il dit en fait, ils avaient plus de liberté que moi. C'est-à-dire que, alors, il fallait surtout pas qu'ils critiquent le gouvernement, genre surtout pas. Mais par contre, en fait, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient à partir de là, si tu critiquais pas le gouvernement. Et lui, il dit aux États-Unis, on a moins de liberté parce qu'on a la contrainte. Commercial, qui est énorme, et il est hyper critique avec ces trucs-là, et jusqu'à très très tard dans sa vie. Je pense que maintenant il a tout refourgué, mais il a toujours eu en fait ce discours-là, et il parle presque comme un cinéaste de cinéma indépendant à la Sundance, quoi. Et c'est assez étonnant à voir. même esthétiquement, hein, c'est pas si étonnant, hein, finalement, quand on regarde le premier film, hein, c'est quand même de la bricole, quoi. Et c'est pas du tout le film à plusieurs centaines de millions de dollars qui existe maintenant. Hein. À l'époque, le film, il a un budget assez conséquent, mais c'est pas le film le plus cher de l'histoire, quoi, en 77, quand Star Wars arrive. Bah, personne y croyait beaucoup dans son truc, donc ils ont pas mis des masses de ronds dedans. Et puis même, enfin, au niveau de la réalisation, justement, par rapport à ce que faisait le nouvel Hollywood, c'est quand même vachement conservateur dans la façon de filmer, à part les scènes... les scènes d'effets spéciaux, enfin les scènes avec les vaisseaux, ce genre de choses, mais globalement c'est très c'est plan-plan comme réalisation, hein. C'est, y a rien de très nouveau à ce niveau-là par contre. T'as des magnifiques transitions en volet. Pardon ? Ah ouais, les transitions rideaux, ça c'est typique effectivement, mais alors du coup voilà, tout ça permet un peu de se dire. Bah, dans quel bain était Lucas, en tout cas au moment de la première trilogie. Qu'est-ce qu'il a voulu raconter, voilà, comme on disait, hein, c'est basiquement, même dès le début de la création, il voulait raconter une histoire comme ça d'un groupe de rebelles qui se bat contre un état totalitaire. Et c'était ancré dès le début de la création, et du coup, il fallait quand même leur donner une esthétique particulière. Et là, pour le coup, c'est surtout marquant au niveau de l'Empire. Voilà, forcément, ça, il y a des choses qui sont assez évidentes. Je pense qu'on peut en parler rapidement. Mais à la fois autant dans le design que dans même la mise en scène. Parce qu'on retrouve aussi de ce côté-là des plans des plans assez particuliers qu'on retrouvait chez dans certains films de propagande nazie, même, je crois. Même si lui dit que ça a été c'était plus inspiré de défilé du 1er mai justement soviétique. Finalement, ça rappelle quand même vachement Leni Riefenstahl. En fait, ce qui est marrant là-dessus, c'est que l'Empire, ça rappelle de ouf l'esthétique nazie, parce que les costumes, puis c'est vraiment les bruits des bottes, les défilés et tout, machin. Enfin, le régime totalitaire s'est grillé à fond, et effectivement, ça se voit dans la mise en scène. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a de la mise en scène à la Leni Riefenstahl, c'est-à-dire les gros trucs. Gros truc de propagande nazie, y compris dans des scènes où c'est l'Alliance. Oui, c'est il y a un plan qui est quasiment volé d'un film, d'un de ces films. Je crois que c'est quand... À la fin du premier, je crois que c'est ça. C'est la fin du premier, c'est la scène de célébration de... Ah, ils ont gagné la bataille. Et effectivement, le plan, c'est un copier-coller de... Alors, je sais plus le nom de ce film, le Triomphe de la Volonté, ou un truc comme ça, je crois, en français. Triumph of the Will. Voilà, ouais. Ouais, c'est vrai que ce plan-là, il est complètement calqué. Et apparemment, quand tu lui en parlais en interview, il esquivait un peu la question. Il n'avait pas envie de dire « Ah ouais, j'ai tout pompé sur elle ». Mais c'est rigolo parce que d'un côté t'as vraiment toute cette esthétique nazie d'un côté, et de l'autre t'as toujours le côté de l'Empire britannique. En fait, tous les impériaux, c'est des acteurs avec des gros accents britanniques. C'est vraiment un mélange impérialiste, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que ça sonne universel, même si au niveau de l'esthétique ça prend vraiment par rapport au régime nazi. T'as vraiment tout un... Enfin, c'est facile de se projeter dedans, je trouve. Esthétiquement, ça emprunte plus au régime nazi, c'est clair. Mais il y avait plein de petits trucs comme ça. Alors moi, ça, je croyais que c'était simplement parce que ils étaient sur place. Et puis il disait qu'il voulait vraiment distinguer l'Empire des rebelles par la voix. Ils avaient tous un accent un peu guindé. Maintenant, ouais, effectivement, tu le dis, ça peut aussi faire référence du coup à l'impérialisme anglais. Et puis en plus, pour recoller à l'idée de, on fait un parallèle avec l'Amérique, de l'impérialisme anglais, enfin le royaume anglais qui gardait la mainmise sur les États américains avant la guerre de sécession. Donc il y a ce côté-là aussi, quoi. Mais c'est vrai que c'est un mélange de plein d'influences d'États autoritaires existants, ayant existé plutôt, plus que juste c'est le Vietnam avec des nazis en face, quoi. D'ailleurs, au final, le Vietnam, dans le Retour des Jedi, finalement, c'est les Ewoks, c'est le côté du bien, qui sont énormément inspirés des Viet Cong, finalement, avec leur connaissance de la forêt, les booby traps, les trucs comme ça. Ils sont directement inspirés d'eux pour les Ewoks. Et du coup, il y a un basculement, parce qu'ils sont du côté des gentils, finalement. C'est les méchants impérialistes américains qui sont en face. Tu voulais dire, Adrien, excuse-moi. Ouais, par rapport à ça, justement, vous avez parlé un peu de colonialisme. Moi, j'ai lu un bouquin qui a été écrit par le chercheur Kevin J. Wetmore, qui s'appelle The Empire Triumphant. Et donc, c'est un livre qui s'attarde pas mal sur tout l'aspect un petit peu colonialiste dont parle Star Wars. Et effectivement, il y a des parallèles, hein, tu l'as dit, par rapport aux Ewoks. C'est un côté qui a été encore plus exacerbé avec la seconde trilogie, dont on parlera un peu plus tard, mais c'est quelque chose qui, voilà, le colonialisme, c'est un des thèmes principaux de Star Wars. Le colonialisme ? Oui, ça parle de colonisation, Star Wars. En général, tu veux dire, ou dans les films, je sais pas si c'est si perceptible que ça, finalement. Ah bah si, tu regardes... Dans La Menace Fantôme, ça en parle beaucoup. Ouais, dans La Menace Fantôme, c'est quand même assez important. Dans le 6 aussi. Mais voilà, c'est un des thèmes qui reviennent souvent, c'est aussi exploité dans l'épisode 8 un petit peu, c'est des choses qui sont... Bah, pour l'instant, on reste sur la première trilogie, je suis désolé, je fais des digressions, mais même dans la première trilogie, quand on voit les Tuskens, qui sont les natifs de Tatooine, comment ils sont traités par la caméra de Lucas et par les autres personnages. Voilà, c'est ça aussi, où en fait, Lucas, il joue toujours, c'est un funambule, en fait, dans le cinéma, et aussi à travers ses films, dans le sens où, d'un côté, il critique un empire qui serait, voilà, il critique, en gros, l'empire britannique, qui, voilà, est colonisateur, et de l'autre côté, il montre quand même que, bon, bah, ouais, les Tusken, quand même, bon, c'est des méchants, quoi. Bah, même fallait même plus loin, hein, simplement la bordure extérieure globalement c'est l'ouest sauvage, hein, simple, enfin, globalement, et du coup effectivement bah tu vas voir les indigènes, les Tusken, les Jawa, les natifs, on va dire, les différentes planètes qui sont dans cette bordure, et effectivement il va y avoir une colonisation de ces différentes planètes, et ça se passe pas forcément bien. Mais oui, clairement, effectivement, tu as raison, hein, c'est aussi au cœur du truc. En fait, ce qui est intéressant avec ça, je trouve, c'est que Star Wars, c'est comme Le Seigneur des Anneaux, on avait fait une vidéo dessus, c'est un très bon exemple de pourquoi, en fait, c'est pas purement allégorique, dans le sens où ça serait une métaphore de quelque chose. Et du coup, là, tout ce que vous dites sur l'Empire, c'est vachement intéressant, parce que tu vois vraiment que l'Empire, c'est, bon, d'une part, des nazis, parce que c'est grillé que c'est... Ils parlent comme des nazis, ils se comportent comme des nazis, ils sont habillés comme des nazis, Hugo Boss et tout. Ou n'importe quel régime totalitaire, surtout chez les Américains, c'est un peu... souvent, ils mélangent un petit peu le truc, c'est le totalitarisme, quoi. Et c'est l'ennemi. Mais en même temps, c'est aussi l'Empire britannique, puisque effectivement c'est un empire colonial, et que eux, parce qu'en France, c'est vrai que quand on parle de questions coloniales, on n'a pas le même point de vue que des Américains, parce que des Américains, tout le monde enfonce des portes ouvertes, mais c'est des anciennes colonies, et ils ont un rapport au colonialisme qui est assez compliqué, parce que pour eux, c'était eux les victimes justement de la colonisation, et ils ont jamais voulu, ils voulaient se prévaloir de ne pas être un pays colonial. Alors après, évidemment, sauf qu'ils ont conquis toute l'Amérique en écrasant les natifs. Ils ont glissé après. Ouais, voilà, ils ont glissé, mais c'est pas pareil pour eux, quoi. Et du coup, évidemment, tu vois l'Empire britannique, et ça fait penser à la guerre d'indépendance contre les Britanniques, d'une certaine façon, parce que t'as aussi ce truc de la guérilla, de on va se rebeller contre cet empire qui nous envoie ces gros bateaux là et tout. Et d'un autre côté, c'est l'empire, c'est aussi les États-Unis, parce que c'est, donc déjà il y a eu la guerre du Vietnam, donc c'est une forme d'impérialisme là, plus au sens, on va dire, moderne, c'est-à-dire l'impérialisme américain. T'es obligé de le voir quand tu sors un film dans ces années-là. Et en plus, c'est Nixon, quoi. C'est-à-dire que c'est l'Amérique de Nixon, c'est la République fédérale, donc, parce que t'as tout ce truc, le fait que ça soit une République fédérale comme ça, un peu centralisée, mais pas vraiment, où c'est un peu le bordel, on sait pas trop, il y a des représentants de tous les petits états dans tous les sens. Il y a un congrès, enfin non, c'est un sénat d'ailleurs dans Star Wars, mais il y a pas, c'est pas le bicaméralisme, mais il me semble d'ailleurs qu'au début des États-Unis, il y avait qu'une seule chambre, hein, comme ça. Donc ça fait aussi penser à ça, et en plus ça fait penser à Nixon, parce que c'est le truc du mec super autoritaire, turbo de droite, qui arrivait au pouvoir et qui était vraiment perçu comme un type qui allait dévoyer complètement la démocratie américaine. Donc en fait, c'est à la fois les ennemis des États-Unis, mais c'est aussi les États-Unis, mais c'est aussi les colons. Et pareil, les Tusken, cinématographiquement, ça fait aussi penser aux Indiens dans les westerns, en fait. Oui, ça c'est vraiment ça, ouais. Ils attaquent les caravanes, quoi. Et ils attaquent ils sont derrière, ils font waouh et tout, et ils font tout le truc en criant. Et c'est une vision super colonialiste. Du coup, les Américains le verraient pas comme ça, parce qu'ils se considèrent pas comme ayant, enfin, c'est des colons, mais ils se considèrent pas comme un empire colonial, justement. Mais c'est comme ça qu'ils représentaient les Indiens dans les westerns aussi. Je pense que ça laisse une trace hyper importante, quoi, dans le truc. Donc, c'est énormément d'aspects mélangés qui fonctionnent tous un peu séparément, et qui donne la cohérence aussi du truc, quoi. Mais c'est un mélange d'influences historiques, même culturelles. Tu parlais du Seigneur des Anneaux, il y avait ce truc-là aussi à l'époque, tout le monde cherchait à dire c'est l'allégorie de tel truc. Alors oui, c'est les États-Unis contre l'URSS avec la bombe atomique, c'est l'anneau. Enfin, il y avait plein d'idées comme ça, et puis lui qui était encore vivant, on disait mais tais-toi, enfin non, c'est pas du tout ça, ferme ta gueule. Mais il y a ce côté-là, on essaye souvent d'essayer de calquer comme ça une vision sur une œuvre, alors que finalement là en l'occurrence on parle de Star Wars, donc surtout dans Star Wars, mais c'est forcément une infusion, un mélange comme ça d'énormément d'influences, et ça c'est, on peut pas voilà, poser un calque dessus et dire ça correspond à tel truc, sinon ça serait vraiment trop évident, quoi. C'est compliqué Star Wars quand même. Il y a plein de choses à analyser. Ouais, c'est d'un point de vue politique, c'est autant riche que compliqué. Après, c'est surtout compliqué, enfin, c'est surtout politique d'un point de vue. Enfin, Lucas, il fait c'est de la grande politique, si on peut dire, c'est de la politique, de la géopolitique même limite. Enfin, c'est pas la. Il parle pas des petits gens, quoi. Globalement, quand il en parle, c'est pas forcément bien, quoi. Mmh. Puis après, de toute manière, il faut faire. Il y a toujours une distinction à faire entre, disons, la vision qu'un créateur ou une créatrice va avoir, les thèmes qui vont être importants, et puis le fait qu'il soit que la personne soit sensible à certains sujets, mais pas à d'autres. Comment je pourrais dire ça? Alors, on parle du fait que Lucas est sensible aux questions, voilà, de l'image des États-Unis dans le monde, du rôle qu'ils ont, mais il n'est pas forcément sensible à toutes les questions progressistes sur absolument tous les sujets. Il y a des sujets qui va complètement survoler. Par exemple, on est dans les années 70, on parle des tensions raciales aux États-Unis, c'est pas du tout un thème, pas du tout, mais c'est pas forcément un truc sur lequel il va beaucoup se poser de questions. Ça se voit rien que dans le cast des trois premiers films, qui est quand même pas extrêmement diversifié. Ouais, non, ouais. Complètement. D'ailleurs, on en parlait dans notre épisode sur la représentativité. Merci. Je commence à me fatiguer. Mais on en parlait dans cet épisode-là, effectivement, le seul noir, il est menteur et voleur. Donc déjà, on commence bien, quoi. On part bien. Mais effectivement, ça, et puis, il y a ça, et puis aussi l'égalité des sexes, le féminisme, enfin, il est complètement à la ramasse de ce côté-là, parce que les seuls personnages féminins qu'on a dans la série, ils servent juste à faire avancer l'intrigue, mine de rien, quoi. Bah t'as un personnage féminin techniquement. D'ailleurs, les autres, c'est la première. Je pensais à Padmé en plus. Dans les vieux films, il s'en sort pas. Le premier, il essaie de faire quelque chose, puis il s'en occupe un petit peu moins à mesure que les trois premiers films avancent. Ouais. Il essaie un truc, c'est vrai, puis ouais. Après, voilà. Puis de toute façon, on sait très bien que le 6, voilà, le réalisateur de l'époque avait dit très clairement qu'il s'en foutait. Ah oui, c'était un sale con, hein. Richard Narkin, c'est vraiment... on le redit, on le dit à chaque fois. Mais Richard Marquand, ah oui, il faut le dire, mais il faut le dire. C'était un sale con. Ah, et puis du coup, bah, comme je disais, il parle pas trop des petites gens, c'est-à-dire, enfin, lui, il n'est pas question pour lui de... comment dire, d'échelle sociale, le truc comme ça, enfin, c'est vraiment pas son délire. Il s'intéresse pas à tout ça, c'est vraiment la politique avec une majuscule qui l'intéresse. Et du coup, on parlait de Nixon tout à l'heure, qui apparemment a vachement inspiré. Oui, excuse-moi, tu voulais dire quelque chose, Benjamin? Non, je voulais faire remarquer. Quelqu'un vous a remarqué dans le chat, oui, qu'effectivement, il y a ce truc un peu de fantasy dans Star Wars qui est que c'est un fermier, mais en fait, c'est l'élu, et c'est que des histoires d'élus et de généraux et de. Exactement, oui. En fait, quoi. Et il n'y a pas de. Mais si vous regardez, c'est aussi c'est tellement de la fantaisie que c'est aussi le truc du Seigneur des Anneaux, en fait. C'est-à-dire que il n'y a pas de population en réalité. Et il y a, je sais pas si t'es toujours dans le chat, Coyote, mais tu m'avais montré un article où il y avait un truc où c'est que par exemple l'Empire, tu les vois pas vraiment gérer la population. Ils ne sont pas vraiment présents, en fait. Il n'y a pas vraiment d'espionnage sur place, de trucs comme ça. En fait, c'est des planètes où il y a des foules de gens qui font leur vie. Et eux, des fois, ils débarquent avec un gros vaisseau. C'est présenté comme ça. Alors que normalement, on pourrait imaginer qu'il y a une vie coloniale, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de préfectures, de bases, de trucs. Et en fait, non, pas vraiment. Enfin, il n'y a pas réellement de système politique et de système d'organisation sociale. Est vraiment montré, et on voit pas effectivement la vie de la population, et les Stormtroopers, c'est littéralement des clones. Enfin, je crois que justement, c'est des clones. Ah non, ça c'est... Justement, on parlait d'un bouquin tout à l'heure, il s'est planté là-dessus, dans le bouquin. Ouais, c'est... Okay. Il y a les clones, et les Stormtroopers, par contre, eux, ce sont des gens embrigadés, hein, vraiment... Mais toujours est-il qu'on les voit, enfin, on les voit comme des clones, entre guillemets, de toute façon. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas réellement... Oui, ils sont anonymisés complètement, oui. si tu fais le lien par exemple avec un film sur le Vietnam, dans le cinéma sur le Vietnam, très majoritairement tu es aux côtés des soldats. Là, c'est pas du tout une façon, c'est pas du tout cette façon-là de présenter la guerre. Là, c'est vraiment le Seigneur des Anneaux et c'est t'as les armées du Rohan, les armées du Gondor, les armées du Mordor. Et tu vois les généraux et ça se tape, quoi. Ouais, c'est des masses anonymes. Le seul exemple que je vois, c'est sur Tatooine, quand il y a un contrôle de police et qu'Obi-Wan l'esquive facilement, mais c'est le seul exemple de contrôle de la population, en tout cas dans le premier, voire dans la trilogie. Finelli, tu voulais dire quelque chose ? Ouais, en fait, les seuls civils qu'on voit, c'est pas des civils parce que c'est ceux qui ont pris les armes, donc t'as les gens qui ont rejoint l'armée, t'as les gens qui ont rejoint la rébellion, mais sinon, c'est toute la population qui est illégale, genre les chasseurs de primes, les cartels du crime et tout ça. Mmh. Oui, c'est vrai que ça t'a fait, les gens qui sont juste des civils qui essayent de vivre leur vie, en fait, on les voit vraiment pas du tout. Et aussi, on avait parlé vite fait d'échelle sociale, et là, pareil, y a pas vraiment de... Enfin, les personnages, ils restent un peu à leur même statut tout du long. Je pense, justement, dans la première trilogie, par exemple, Han Solo, il commence un contrebandier, et à la fin de la trilogie, c'est toujours un contrebandier, même s'il a eu des médailles et tout, il a pas vraiment eu de montée de statut, quoi. Je crois qu'il est général, mais par la force des choses, quoi. Enfin, c'est pas... Il reprend sa vie juste après, quoi. C'est vrai que de ce côté-là, il n'y a pas... Alors, si, je pense bien à des gens, il y a des gens, hein, du peuple, hein. Il y a Owen et Berulas, donc ceux qui se font dézinguer au bout de 20 minutes de film. Mais c'est à peu près tout. Mais sinon, effectivement, des gens reliés aux héros. D'ailleurs, oui, il reste relié aux héros dans tous les cas. Mais c'est vrai que... Il n'y a pas d'évolution sociale, en tout cas, dans les personnages, il me semble. Du moins dans les deux premières trilogies, même, je pense. Si je ne dis pas de bêtises. Bah si, dans la prélogie, t'as Dexter qui est un civil. Oui, mais il évolue pas. On parlait d'évolution sociale, mais effectivement, lui, par contre, c'est un civil. Ouais. Jar Jar, c'est vrai. On y avait pensé quand on préparait l'épisode à Jar Jar, effectivement. Mais lui, comme tu disais, Grushkov, lui, il a une évolution particulière parce que ça, c'est en cloche. Oui, c'est un rise and fall. Hein, et il devient sénateur et puis il finit... Après ça, c'est dans l'univers... Étendu, oui. Étendu, même si c'est canon, il finit... Artiste de rue, quoi. Donc, pas terrible pour lui, mais bon. Il a touché le soleil, mais voilà, ça lui plaisait pas, finalement. Bah non, il s'est rendu compte qu'il était amphibien et que toucher le soleil, c'était pas forcément la meilleure idée. Voilà. Allez, c'était gratuit. Bravo. Est-ce que vous avez d'autres choses sur la trilogie classique, la première trilogie parce qu'on a... Oui, vas-y, excuse-moi. J'avais potentiellement... Moi, c'est plutôt une question. Parce qu'en fait... Quand une personne va créer quelque chose, évidemment, il y a l'intention de base, en se disant je vais parler de certains trucs, et puis il y a la manière dont finalement on le perçoit quand les gens vont intégrer des biais et justement des trucs involontaires. Et finalement, donc la question qu'on se pose ici, est-ce que Star Wars est de gauche? Parce que donc moi j'ai fait des recherches intenses avant ce podcast qui consistait à revoir donc le jeu du clivage du Jules avant cette émission, et donc la manière dont il faisait la distinction entre justement la gauche et la droite, pour les personnes qui n'ont pas revu cette vidéo plus longtemps, c'est une vidéo qui parlait du fait que les gens, beaucoup d'analystes se disent oui, la gauche, la droite, ça n'existe plus. Et la définition qui était proposée dans la vidéo, c'était... la gauche, c'est voir que la situation est pourrie, et justement proposer du changement, faire quelque chose pour ça, alors que la droite, c'est plutôt préserver l'ordre établi. Et je me demandais si, selon vous, ces trois premiers films, qu'est-ce qu'ils proposent par rapport à ça? Bon, donc on dit justement, dans une situation on a l'Empire qui, bon, perd à la fin, mais est-ce que la manière dont c'est raconté, est-ce qu'au final, on est juste là pour préserver ce qui existe déjà, ou est-ce qu'on est vraiment là pour justement proposer une... quelque chose de meilleur à la fin? Et ça passe pas que par l'histoire, je sais pas si vous voulez ce que je veux dire, ça passe dans la manière dont on traite les personnages, dans la manière. Oui, donc je ne sais pas ce que vous en pensiez, vous, de votre côté, par rapport à ça. Benjamin ? Ben voilà, Anouane dit ça, une nouvelle république pour remplacer l'ancienne. Je vous laisse peut-être répondre là-dessus, parce que c'était surtout quelques points pour passer à la prélogie. Après, là-dessus, oui, il y a un truc de retour à un statu quo. Oui, bon, qu'on n'a pas vu à ce stade-là normalement, et effectivement il y a quand même un truc très on va revenir à la démocratie etc. Telle qu'elle doit être, à l'américaine, enfin la république. Après, je sais pas à quel point il avait déjà la prélogie en tête quand il faisait ça, mais il y a quand même il y a quand même un truc, il y a des choses, en fait il voit que la république a merdé aussi, donc je pense qu'il sous-entend aussi qu'ils ne peuvent pas refaire la même. Ils ne peuvent pas vraiment faire la même. Et je trouve que c'est plus criant chez les Jedi. L'ordre Jedi, il me paraît... Mais on y reviendra, je pense, quand on reparle des Jedi et de la prélogie. Mais il y a quand même un truc qui est que, par exemple, Luke n'est pas un Jedi conservateur, entre guillemets, au sens où il serait pour un retour à ce qu'étaient les Jedi avant. Il n'est pas présenté comme ça, à mon sens. Donc, c'est pas complètement... voilà, pardon, je termine là-dessus. Mais j'aurai des petits points pour après. Bon, on passera effectivement à la prélogie après. Adrien, tu avais une chose à ajouter ? Ouais, moi j'ai un petit segment à faire. À la base, j'avais pensé à faire un petit jingle et tout, mais j'ai pas eu le temps, j'en suis navré. Moi, je vais vous parler un petit peu de ce que pensaient la presse et les chercheurs hein, à l'époque à propos de Star Wars, à propos du côté politique de Star Wars, toujours dans le même bouquin hein, de Kevin J. Whitmore, The Empire Triumphant. Donc dedans, il analyse pas mal d'aspects politiques et sociaux de Star Wars, et donc il prend quelques témoignages donc d'autres chercheurs ou des journalistes, dont celui de L. Kolbach, qui est donc un écrivain dans un magazine conservateur, et qui dit, lui, voilà, que Star Wars, c'est... profondément conservateur et que ça promeut en fait les valeurs de l'Ouest qui sont conservatives et traditionnelles. Donc voilà, encore une fois, ça dépend vraiment des points de vue. De son côté, Richard Keller Simon, qui est donc, il me semble, qui est un marxiste, ou en tout cas quelqu'un de gauche, il me semble, dit que Darth Vader, en fait, finalement, c'est un petit peu ça montre un petit peu, voilà, l'impérialisme américain militaire. Donc voilà, tout le monde mange un peu à sa sauce, hein, Star Wars, c'est ça qui est absolument incroyable à ce propos. Tandis que de son côté, le critique Dan Ruby, qui est donc lui pour le coup un marxiste, il pense que les films sont conservateurs, en disant voilà que ça déromant, enfin que ça re-romantise la guerre, là où justement le nouvel Hollywood l'avait déromantisé. Notamment avec tous les aspects par rapport au cinéma, de la Apocalypse Now et compagnie, quoi, avant. Ouais, donc absolument, absolument, ouais. complètement. Et donc voilà, selon lui, Star Wars A New Hope re-romantise la guerre. Donc encore une fois, voilà, ça dépend des points de vue. Et donc de son côté, hein, Peter Biskind, qui est donc un journaliste, il a écrit un livre qui s'appelle Easy Riders, Raging Bulls, qui est donc un livre sur justement la transition du cinéma et donc le cinéma dans les années 70-80. Et donc lui, il voit la trilogie originale, comme une allégorie hein, du triomphe de la contre-culture. Donc encore une fois, c'est tout l'inverse. Et il dit même que voilà, selon lui, l'empereur en fait, ce serait Nixon et l'Empire d'Amérique. Et donc les rebelles, les jeunes qui se sont levés contre la guerre du Vietnam. C'est d'ailleurs, justement, enfin, on en parlera après, je pense, mais Lucas avait dit que Palpatine, c'était Nixon, hein, justement. Il y avait ce parallèle. Grushkov, tu avais quelque chose à ajouter ? Non, mais moi, c'était pour rebondir sur le truc de Luke de tout à l'heure, donc on est passé à autre chose, c'est pas grave. Écoute, si t'as envie de rebondir sur Luke, c'est pas mon affaire. au final, c'est juste vite fait, genre, les fois où Luke prend les décisions qui auront le plus d'impact aussi... pas forcément, enfin, bénéfique pour lui au final dans son développement, c'est quand il écoutait pas les Jedi traditionnalistes que sont Obi-Wan et Yoda, et les mecs ils disent bah faut que tu butes le mec, et puis en fait il dit bah non, je vais pas faire ça, et puis il le fait pas, et puis c'était mieux pour lui, c'était mieux pour tout le monde au final. Du coup, il y a aussi ce côté, justement, comme disait Benjamin, que oui, effectivement, Luc, il est même souvent contre, enfin, ce qu'il fait va à l'encontre de certains préceptes que eux essayent de lui inculquer parce que c'est pas forcément moral, c'est pas forcément des vieux cons. Voilà, c'est eux, ils sont vieux, et en plus ils sont vieux et ils se sont cachés tout le temps. Qu'est-ce qu'ils y connaissent au monde actuel à ce moment-là? Mais voilà. Bah, je vais juste répondre à Ximnut avant de laisser la parole à Benjamin. C'est vrai que en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a des rebelles et pas des révolutionnaires. C'est-à-dire que tout ce qu'ils veulent, c'est remettre en place effectivement la République, l'ancienne République finalement, parce que je vais changer de nom, mais techniquement, c'est à peu près la même chose. Et ils veulent pas créer quelque chose de nouveau à la place. Donc, est-ce que le film il est quelque part assez conservateur, même de ce point de vue-là finalement? Parce que l'idée, c'est de revenir à l'idéal républicain, surtout américain, là en l'occurrence. Une rébellion fondée par un ancien sénateur, Mon Mothma, je ne sais pas ce qu'elle était avant, ce qu'elle faisait avant la chute de la République. Elle était sénatrice aussi, On en parlera. Il y a des trucs dans la prélogie. Bail Organa et Mon Mothma étaient déjà sénateurs. Ils voulaient juste récupérer leur bourreau. Mm-hmm. Parce que... Benjamin, tu avais des points à aborder également? Ouais, c'est juste parce que avant de passer à la prélogie, il y a des trucs qu'on n'a pas précisés, mm-hmm. Je pense. Peut être utile, c'est et notamment enfin si on veut faire un jeu du clivage de Star Wars, en fait c'est super intéressant toutes les différentes analyses que tu as donné, Adrien. C'est Adrien, ouais. Qui les a données. Oui, c'est moi, ça va. Ce qui est cool, c'est qu'elles sont toutes, je pense qu'elles sont toutes vraies en même temps, oui, alors qu'elles sont absolument, absolument, souvent avec ce genre de film. Et mais ce qu'on n'a pas trop situé, c'est en fait qui est Lucas aussi politiquement. Parce qu'on dit, ok, San Francisco, Nouvelle Hollywood et tout, on peut quand même préciser que Lucas, c'est un... En fait, lui et ses films même de manière générale, si on devait vraiment les classer en jeu du clivage sur, en tout cas, l'échiquier américain, ça serait plutôt situé à gauche. C'est-à-dire que moi, je le situerais comme ce qu'ils appelleraient un libéral, mm-hmm. C'est-à-dire un type de centre-gauche sur l'échiquier américain. Donc qui a grandi avec toute la contre-culture un peu des années 70. C'est un donateur démocrate d'ailleurs. Pas uniquement, je crois, mais c'est surtout un donateur démocrate. Et ouais, politiquement, c'est ce qu'on appellerait un libéral, ouais, je dirais, ce qui était assez courant à Hollywood. Et il faut bien se dire que... donc voilà, dire que c'est ultra conservateur, par exemple, en le resituant dans l'échiquier politique américain, c'est pas tout à fait ce qu'est Lucas vraiment. Il y a aussi un truc qui est que dans le truc de Triomphe de Contre-Culture, cet univers geek, en fait, tous ces univers un peu geek qui sont venus notamment avec Star Wars, qui ont triomphé justement avec Star Wars, maintenant on a plus trop l'habitude de ça parce qu'on se dit bon, les geeks c'est pas forcément des parangons de progressisme, mais en réalité il y a tout, quoi. Mais en réalité, c'est aussi, les geeks, les nerds, c'est des gens qui viennent de la contre-culture, donc c'est quand même des gens qui ont des habitudes de penser un peu contestataire à l'époque. C'est-à-dire que c'est quand même plutôt associé, le Seigneur des Anneaux c'était associé aux hippies à ce moment-là, la science-fiction c'est associé à la contre-culture, et donc c'est quand même des gens qui sont dans une espèce d'opposition. Et évidemment, quand Lucas il dit c'est Nixon, Palpatine, c'est vraiment au sens où de toute façon, culturellement, dans le paysage, Nixon, c'est juste, si tu dis c'est Nixon, c'est juste, tu dis c'est un turbo droitard, quoi. Ouais. C'est, à l'époque, Nixon est vraiment pris comme un... C'est comme on dirait François Fillon en France, quoi. Et c'est vraiment, pour lui, dans sa tête, c'est si tu veux faire un gros mec réac méchant et hyper autoritaire, c'est Nixon, quoi, ouais. dans ces années-là. C'est ce qu'il représente. Donc pour lui, ce genre de politicien, par exemple, c'est le mal, quoi. Des types ultra conservateurs comme ça, pour lui, c'est des méchants, en fait. Il supporte pas de voir ça. Et dernier point là-dessus, il y a aussi le... Mais c'est plus évident dans la prélogie, mais ça peut faire la transition. Lucas, c'est quelqu'un qui a, je pense, un rapport assez contrarié au capitalisme. C'est-à-dire qu'il est, c'est clairement un capitaliste lui-même, déjà, de base. Il est tout à fait content de gagner de l'argent avec Star Wars et avec les jouets. Je pense pas qu'il soit contre la libre entreprise. Par contre, il y a quand même beaucoup de déclarations, et ça se voit dans ses films, où il trouve que, on disait tout à l'heure les studios, mais il aime pas le capitalisme débridé. Il y a une citation que j'avais retrouvée où il disait que moi, je sais plus si je l'ai encore sous les yeux. Il disait. Je l'ai plus, désolé. Mais en gros, moi, je suis un fervent partisan de la démocratie, mais pas de la démocratie capitaliste. Et il le disait dans le cadre de. En fait, il aimait pas le fait que les grandes entreprises aient autant de poids dans la démocratie américaine. Mmh. Et il fait souvent des sorties comme ça. Où en fait il est très critique vis-à-vis du modèle américain, et je pense que ça lui vient de cette éducation-là, et aussi même du régime démocratique. J'avais vu une interview qui date de la prélogie, où justement il disait que la République, en fait la démocratie, pouvait amener elle-même son ennemi, en fait, devenir elle-même un fascisme, et que du coup, et dans cette interview il dit, du coup il faudrait peut-être trouver un autre système. Que la démocratie, alors je pense que dans le sens la démocratie libérale telle qu'elle est à ce moment-là aux États-Unis. Donc en fait c'est quand même un type qui est assez, il a un petit fond critique, y compris du capitalisme et de la démocratie américaine. Bien sûr, hein. Mais comme tu dis, hein, on le verra, je pense, ce sera beaucoup plus limpide lorsqu'on s'attaquera à la prélogie de toute manière, quoi. 10 minutes j'en remets pas. Très vite. Ah, Ximit voulait parler d'abord. Ouais, donc moi je me demandais, en fait, j'ai l'impression, quand on en parle, je n'ai pas lu tous ses livres ou vu toutes ses interviews, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il parle du problème justement du poids des grandes entreprises, c'est surtout pour en parler en tant qu'artiste, en tant que créateur. Et je me demande un petit peu si c'est pas un truc un peu, alors attention, je vais dire un gros mot, à la Elon Musk, où il va critiquer le système que quand ça l'embête lui, mais pour le reste de toutes ces thématiques là finalement il va pas vraiment s'y intéresser, il va que se poser la question au moment où ça va l'empêcher de faire ce qui l'intéresse lui-même. C'est pour ça que je m'interroge sur vraiment son positionnement. Je pense que ce point de vue-là, on est tous un peu dans ce cas-là. Enfin, c'est humain, je pense, de fonctionner comme ça. Après, voilà, on peut analyser les choses et prendre du recul, mais de base, effectivement, c'est sûr qu'on peut fonctionner comme ça. Je l'avais l'exemple de. Il le critique, par exemple, dans le système électoral, donc j'ai l'impression qu'il se pose quand même des questions un peu générales là-dessus. J'ai quand même l'impression que c'est un type qui réfléchit politiquement, quand même. Oui, je pense. Au-delà, ouais. De ça. Je sais pas à quel point, mais un petit peu quand même. Bah, je pense que justement, ouais, on verra ça par rapport à la prélogie, mais justement le côté même par rapport à l'actualité, hein, qui le fait réagir beaucoup. C'est quelqu'un qui, comme tu dis, Benjamin, se pose des questions, George Lucas, et qui a certes un côté capitaliste, mais qui en même temps, voilà, œuvre un maximum pour un maximum, non, pas assez, mais parce que c'est jamais assez, mais tente voilà de montrer un peu, voilà, c'est des choses un peu progressistes dans ses films, et même vu comment lui voit la société, quoi. Très vite, là, parce que je pense à ce que tu avais ce que tu nous avais sorti, Adrien, avec les différentes analyses du film. C'est intéressant de voir ça, parce que justement quelques années après, c'était Reagan qui reprenait à son compte Star Wars, justement pour tous ces aspects qui sont, enfin tous les aspects conservateurs du film qui allaient vachement dans son sens. Donc on peut vraiment leur faire dire un peu ce qu'on veut. Complètement. Et du coup, on va passer à la prélogie. Alors la prélogie, c'est rigolo, parce que pendant des années, tout le monde a un petit peu les a un peu boudés. Notamment le fait qu'il y avait un peu trop de politique au bout de certains. Il y avait un épisode de Simpsons qui parodiait ça, même. Oui, je me rappelle. et finalement, de ce point de vue-là, il est vachement intéressant, mine de rien, puisqu'on a, on a énormément de choses de ce côté-là. Déjà, on voit la République en action, enfin, en inaction. Ouais, plutôt. Dans le premier épisode, et puis on la voit progressivement se transformer en état autoritaire. Et justement, il y a énormément de choses à dire. Déjà, le fait, comme on l'a dit plus tôt, c'est que la République galactique, c'est basiquement un calque de la République américaine des pères fondateurs. Donc, comme dit, il y a une seule chambre, il y a le Sénat. Les planètes, c'est les États. Et ça va pas. Enfin, c'est pas que ça va pas beaucoup plus loin, mais basiquement, c'est ça. Et ça explique aussi pourquoi le grand ennemi. De cette république, c'est les séparatistes. C'est la finance. C'est là. Quoi ? Leur ennemi, c'est la finance. Et la finance. Alors, bah, pas eux forcément. Hein. Eux, ils sont plutôt corrompus. Enfin, c'est ce qu'on nous en dit au début. Mais oui. Hein, mais c'est que... tu regardes juste ça. Je fais une aparté parce que je n'ai aucun respect pour le plan qu'on a fait. Je suis désolé. Mais juste ouais, le fait d'allier la finance, ceux qui ont l'argent et qui ont le marché, avec le fascisme, littéralement, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, c'est d'un point de vue l'échiquier politique, Lucas, il a tout compris, quoi. Mmh. Oui, c'est vrai, ça. J'ai pas, enfin, c'est pas que j'avais pas fait le lien, mais oui, effectivement, il y a ce côté-là aussi. Mais du coup, qu'est-ce qu'on aurait à dire de cette trilogie? Que c'est genre assez compliqué. Le glow up. Oui, mais ça, on l'a déjà dit. Y a un truc aussi, c'est que c'est. Enfin, moi, je trouve que c'est ultra flou parce qu'on sait jamais vraiment ce que les séparatistes veulent. Ils veulent juste partir de la République, mais ils donnent pas vraiment de raison. Ils donnent. Enfin, ça reste en fait comme la trilogie originale. C'est juste, ça fait limite prétexte en fait. C'est vrai que si on s'arrête au film, ça fait un peu, enfin c'est un peu creux effectivement. Benjamin, oui. Là-dessus, je sais pas, je connais beaucoup moins bien Star Wars que vous, mais il me semble qu'il y a, et je crois que dans le bouquin justement Snegaroff, il en parle, il y a une histoire que les séparatistes, il s'est mentionné que c'est une histoire de taxes routières, enfin je sais pas comment on dit. Ça commence par des histoires de taxes, effectivement, le prétexte, basiquement, c'est que ils payaient trop de taxes commerciales, bon, ça va pas plus loin dans les explications, je crois. C'est plus ou moins, ça fait référence à ce qui a démarré la guerre de sécession en fait. Apparemment, je savais pas ça, mais donc la guerre de sécession, c'est pas. Désolé de casser le truc, mais effectivement, c'est pas vraiment l'esclavage en fait, la vraie raison de base. c'est des histoires de rapports de force entre le Nord et le Sud, et notamment ce qui a vraiment fait éclater aussi, c'est une histoire de taxe imposée par le Nord sur les produits, sur certains produits. Ouais. Et du coup, c'était très désavantageux envers le Sud. Et quelqu'un sur le chat fait mention du Tea Party, qui est un mouvement très à droite américain, très anti-étatique, au sens un peu libertarien, quoi. Comme ça, on va payer d'impôts, nanana. Et c'est genre Sarah Palin, quoi. Sarah Palin, la candidate à l'élection présidentielle à la vice-présidence, qui était très très à droite, sénatrice de l'Alaska. Et juste, ouais, du coup, pour situer, c'est vrai que là, avec la prélogie, on est passé de la guerre du Vietnam à là, en fait, c'est Bush, qui est un peu un nouveau Nixon. Et du coup, les liens avec Bush sont tellement grillés entre Palpatine et Bush, qu'il y a vraiment des phrases qui sont sorties telles quelles. Entre moi, enfin... Oh. Un truc comme ça. Et donc on est en plein contestation de la guerre en Irak, ce qui est assez ouf quand même, parce que à cette époque là c'était pas comme pendant le Vietnam, hein. Il y a eu le 11 septembre et les Américains, ça les a tellement traumatisés qu'ils ont débranché le cerveau, et c'était très très dur de le contester. Il n'y a pas du tout eu les mêmes avec, ni même la même contre-culture qu'avec la guerre du Vietnam. Ah, c'était même très très rigide de ce côté-là, enfin très raide. Hein. Oui, carrément. Et donc il y a ce contexte-là, et il y a aussi le contexte de et donc il y a le Patriot Act, par exemple. C'est-à-dire qu'on utilise le fait qu'il y ait le 11 septembre pour faire passer, pour déjà justifier des guerres impérialistes, mais aussi pour mentir comme des arracheurs de dents et faire passer des lois sécuritaires, notamment le Patriot Act, qui était un truc qui est ultra ultra sécuritaire, mais qui est l'équivalent de ce qu'on a en France avec les attentats. Exactement. Tous les pays occidentaux font ça en réaction aux attentats. Et c'était très, ça faisait vraiment débat. Il y a plein d'œuvres de pop culture qui en fait ont ça en fond. Hein. Chez Marvel, il y avait Civil War à ce moment-là. Enfin, il y avait tout un truc comme ça. Et qu'est-ce que je voulais rajouter ? Il y avait un dernier truc qui était. Et oui, il y a aussi, c'est un moment où il y a. Alors la contre-culture, c'est plus du tout les années 70, mais en revanche, il y a l'altermondialisme. Voilà, oui. À ce moment-là. Et donc en fait, c'est ça le contexte quand le film sort. Quand les films sortent, alors j'ai plus les dates exactes, hein, vous saurez mieux que moi. C'est 99 pour le premier, 2002 pour le 2. Je crois, et le 3. Et 2005 pour le 3. 2005 pour le 3. Voilà, c'était juste pour resituer le contexte, parce qu'il est, il est assez évident, en fait. Enfin, quand tu l'as en tête en regardant les films, tu te dis oui, ah oui, je me souviens. Merci, parce que je voulais justement faire un point sur le contexte de l'époque. Mais voilà, effectivement, on a les premiers gros mouvements altermondialistes, en 99 notamment, je crois que ça commence même un petit peu avant. Derrière le 11 septembre, et puis ensuite forcément bah, l'Irak, l'Afghanistan, comme tu as dit, Patriot Act, et tout ça qui démarre derrière. Mais voilà, à quel point ça l'a inspiré, parce que finalement, il était lui en pleine production ou en pré-production de chacun des films, donc je sais pas à quel point ça a pu l'inspirer. Mais le contexte déjà est très particulier, effectivement. Et pour revenir à cette histoire de taxes, effectivement, alors si on s'en tient à l'hypothèse que c'est un miroir de l'Amérique, effectivement, il y avait des histoires de taxes sur les produits manufacturés qui étaient importés à l'époque encore de l'Angleterre dans les États américains. Et vu que le Nord était plus industrialisé que le Sud, bah, le Sud faisait la gueule parce que eux, ils allaient se bouffer plein de taxes dans la tronche. Et c'est surtout ça qui a déclenché effectivement la guerre de sécession plus que l'esclavage. Et il y a aussi une scène coupée de l'épisode 2, apparemment tu vois justement Doku bavasser. Bah, ça fait partie de la scène où il bavasse avec un peu les différents le clan bancaire, le techno-syndicat et compagnie. Techno-syndicat. Et dans cette scène coupée, il leur dit que ouais, si on est tous là, c'est parce qu'on veut plus de liberté pour le commerce, l'abolissement des taxes, le libre-échange total. Enfin, il y avait une scène où vraiment clairement, il leur disait ouais, on est là pour l'ultra-capitalisme dans tous les cas, quoi. Donc il y avait aussi cette idée-là. Ça a été coupé après apparemment au montage, mais il y avait cette volonté-là. D'ailleurs, c'est marrant qu'on remette vraiment le truc dans son contexte, parce que effectivement, on rigole beaucoup de l'attaque des clones, hein, parce que le film est pas très réussi, y a plein de problèmes de dialogue, tout ça. Mais c'est assez ouf de se dire que voilà, le 11 septembre 2001, c'était trop tôt, c'était trop rapproché de la sortie du film qui était en mai 2002 pour qu'il y ait une véritable influence. Et pourtant, un des thèmes centraux du film, qui aurait dû être peut-être un peu mieux foutu, c'est quand même tout le truc du basculement, de donner tous les pouvoirs à Palpatine dès ce moment-là, de faire une grosse armée pour aller faire la guerre contre les ennemis, ça commence par un attentat. Enfin, tout ça, c'est assez ouf, parce que c'est super rapproché. Donc le film était déjà tourné en fait à ce moment-là, et au final, on peut lui donner ça, c'est que politiquement, il est pas si con que ça, le film. Il sait ce qu'il raconte, et il sait mettre en exergue des parallèles à travers l'histoire, en fait. Adrien, t'avais quelque chose à ajouter ? Écoute, non, mis à part sur le texte que j'ai écrit, on va peut-être pouvoir en parler. Benjamin, t'en as déjà un petit peu parlé. Justement, les parallèles entre Anakin, entre la phrase d'Anakin qui dit à Obi-Wan « If you're not with me, you're my enemy ». Et donc, ça fait écho forcément à l'effroyable discours de George Bush après le 11 septembre, qui dit voilà, si vous n'êtes pas avec nous, alors vous êtes avec les terroristes. Et donc voilà, c'est finalement quelque chose qui voilà, George Lucas n'hésite pas à travers sa plume, hein, à vraiment voilà faire des parallèles une fois de plus entre l'Empire et les gouvernants républicain américain. Oui, Benjamin, tu avais un truc à dire ? Ouais, en fait, je me rends compte qu'effectivement, j'avais pas du tout les dates en tête. Et que oui, c'est quand même ouf que le. En fait, c'est avant le 11 septembre qu'il a commencé qu'il a même sorti les films et tout. Donc, c'est vrai que moi, dans ma tête, ça me paraissait tellement évident que j'étais persuadé que c'était pendant. Enfin, que c'était vraiment la même période. Mais ce qui est En fait, ce qui est fou, c'est que l'idée, elle lui sort pas de nulle part non plus, y compris parce qu'il y a, même s'il n'y a pas eu justement encore le Patriot Act et tout, parce que j'étais persuadé qu'il était le cas, mais c'est qu'aussi, il fait le. En fait, c'est très inspiré de l'Allemagne, en fait, de la République de Weimar et de l'arrivée au pouvoir, en fait. Parce que c'est le truc de il y a un attentat, enfin, tu vois, si tu peux faire l'incendie du hashtag, sur le chat, quelqu'un parlait de. Ça, dans l'épisode 3, c'est encore plus évident. Ouais. Donc, en fait, tout ce qu'il reprend, en fait, il a clairement compris ce que c'est que l'arrivée au pouvoir d'un fasciste, comment ça fonctionne, et parce qu'il s'inspire de ça. Et ce que je trouve ouf, c'est que du coup, ça marche aussi. En fait, il s'est retrouvé dans une Amérique qui avait des parallèles avec ça. Et enfin, la fascisation de la démocratie, l'utilisation de la peur. On est toujours en plein dedans, d'ailleurs, hein, même chez nous. Hein, c'est... C'est-à-dire que si tu regardes maintenant comment sont utilisées les lois sécuritaires, sur quels arguments elles sont sorties, le fait, non mais juste le fait que le mot séparatiste soit arrivé en France. Ouais, c'est vrai. Ouais. On dit, enfin, je ne veux pas forcer les parallèles, mais en fait, c'est des mécaniques historiques qui sont un peu toujours les mêmes, hein, toutes proportions gardées, hein, bien sûr. L'histoire ne se répète pas, mais il y a des mécanismes comme ça. Et c'est marrant, je citais souvent cet exemple en live parce qu'il n'y a pas longtemps, on avait fait une projection de. Enfin, avant la Grande Peste, on avait fait on avait passé Punishment Park, qui est un film des années 70, où c'est ça caricature l'Amérique justement conservatrice, où ils foutent les hippies, les résistants, les gauchistes, les féministes, tout le monde sur un terrain. Ils leur font faire une espèce de jeu où ils les tuent. Et tout, enfin, bref, et c'est filmé comme un documentaire. Et les termes employés, donc c'est un film des années 70. Hein, les comédiens sont en gros ce qui sont dans le film, c'est-à-dire que les militants, c'est des gens qui sont un peu militants aussi de base, les mecs qui font le jury de mecs super conservateurs, c'est des vieux mecs conservateurs, et il y a plus ou moins de l'impro, donc ils emploient les termes, leurs termes à eux, quoi. Et t'as tous les termes, c'est-à-dire que t'as séparatiste, t'as vous êtes des séparatistes, vous êtes un danger pour l'Amérique, vous voulez remettre en cause la base de la civilisation, vous les féministes, les antiracistes, etc. T'as tout dedans, et c'est les mots des années 70, quoi. Et c'est ouf de les voir en France déjà en 2020, c'est-à-dire que c'est exactement les mêmes logiques avec quasiment les mêmes mots, alors que on n'est même pas dans le même pays. Et en fait, en 2000, dans les années 2000, il y avait déjà ça aussi dans le Star Wars, quoi. T'as les séparatistes, t'as ce truc d'utiliser le Sénat pour utiliser la peur du séparatisme et la peur de l'insécurité, des attentats et tout, pour prendre le pouvoir et devenir une dictature et tout. Ce qui, en fait, je pense, un truc, lui, il a juste dû lire pas mal sur le totalitarisme et sur Hitler et tout, mais il a compris la mécanique, en fait. Et ça, c'est un truc que je trouve ouf, et ça me fait trop plaisir que vous disiez ça sur la politique de la prélogie, parce que autant. Ouais, la prélogie, c'est quand même des films assez mal branlés. Ouais. Oui, alors après, selon bien le... Bien sûr. Voilà, il y a des... Bref. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même pas des très bons films, et cinématographiquement parlant. Par contre, cet aspect politique, je trouve que... Alors, il va aux bases. C'est quand même... C'est des concepts de base de politique. Mmh. Il a juste de bout en bout. Enfin, c'est... Franchement, moi, c'est un truc que je veux que mes enfants voient la prélogie, même si c'est pourri. Mmh. Parce que c'est vraiment... Et en fait, il a vraiment compris, en fait, le truc, Lucas. Et ça, c'est vraiment un truc que je le reconnais et que je reconnais à la prélogie, quoi. C'est il a vu juste et il a vu la mécanique de base. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste dans une... D'ailleurs, tu vois, j'étais persuadé tellement qu'en fait, c'était vraiment une allégorie de ce qui se passe à ce moment-là aux États-Unis. Et en fait, il a commencé avant. Donc, ça veut dire qu'il avait vraiment saisi le... Il a senti le truc venir. Passait, ou... ouais. Et si Nixon faisait ça aussi, hein, dans les années 70. Bien sûr, oui. Ça avait déjà commencé avec Nixon. Et puis les mêmes, de toute façon. Nixon, Bush et tout, c'est la même merde. Hein. Puis même si on remonte plus loin, la mécanique était la même pour Napoléon que pour Hitler et que pour les autres. Enfin, c'est, comme tu disais, hein, c'est le schéma... Hein. Grushkov, oui. Ah, non, mais je voulais dire que justement, c'est comme dit Benjamin, c'est la base, et c'est pour ça que c'est des films importants, parce que comme on dit, bon, il y a tout l'autre côté, réalisation, tout ça, mais c'est comme c'est des films qui sont pour les jeunes ados, vraiment genre 10-13 ans. À la base, c'est le public cible un peu, c'est censé être pour tout le monde, mais voilà, c'est un peu le public cible. Et c'est pour ça que c'est super important, justement, d'avoir un truc basique, parce que c'est quand même vachement solide pour un truc grand public comme ça, et c'est, comme tu dis, voilà, c'est important. Et c'est des trucs faciles à montrer aux enfants, au final, pour leur montrer un peu, leur faire avoir une espèce de conscience politique avec des bases... Qui sont là, quoi. Ah bah ça marche mieux que l'esprit critique. Hein. C'est plus facile à appréhender. C'est plus facile à appréhender comme concept, c'est sûr. Il y avait quand même quelques points, en tout cas dans le premier, que je trouvais intéressant et qui sortent, enfin, qui font pas partie directement de ce schéma-là. Mais on a la critique quand même de la corruption et de l'inertie d'un système comme la République. Alors est-ce que ça recolle avec ce que tu disais tout à l'heure, Benjamin, quand tu disais qu'il faudrait trouver autre chose? Est-ce que c'était justement à ça, peut-être, à ce genre de choses qu'il pensait. Lucas, j'ai pas la source, je suis désolé, c'est un truc que j'ai vu à la télé. Enfin, source, croyez-moi, mais j'ai un truc dans les DVD, je sais plus. Il y a vraiment une interview de Lucas où il dit, il parle de la démocratie et il dit, il fait vraiment cette démarche de dire, ouais, c'est la démocratie qui amène son propre ennemi en fait, et que du coup, il y a peut-être un autre chose à trouver. Donc, et là, le communisme, non, pas du tout, il dit pas ça. C'est intéressant parce que du coup il y a une critique de la République, on pourrait croire que justement c'est parce que c'est pas bien, il faut un truc plus radical, plus rapide, hein, qui fonctionne mieux, plus rapide, mais derrière c'est quand même la trilogie elle veut justement restaurer cette République, donc il y a une critique mais c'est quand même ce qu'il y a de mieux en tout cas d'après lui. Et l'autre point que j'ai remarqué, c'est qu'on a un peuple qui se revendique comme pacifiste, les habitants de Naboo, hein, simplement fervent pacifiste, mais qui se retrouve à intervenir militairement pour libérer leur planète. Je trouvais ça intéressant aussi comme approche, enfin pas comme approche mais comme idée. Ça me paraît pas anodin non plus. Après, les gens de Naboo, ils font pas grand chose, hein. c'est les Gungans qui se bougent pour la libérer, ouais, la planète. Ouais, c'est vrai. Hein. Oui, peut-être que sur Naboo, ils ont 15 blasters pour toute la population, je sais pas, donc t'as que les gardes de la reine qui y vont, mais disons qu'il y a un recours à la violence qui se fait et qui fait pas partie non plus de la philosophie des habitants, quoi. Ouais, à ce sujet, justement, le livre dont je vous parlais tout à l'heure analyse pas mal les dynamiques de post-colonialisme, et donc avec donc des textes de Frantz Fanon qui donc dit que voilà, le décolonialisme ne peut se faire qu'avec la violence, tu vois, et ça pareil, Lucas l'a compris et le montre bien finalement avec la séquence de combat donc avec les Gungans, même si voilà, encore une fois, c'est un peu en demi-teinte, parce qu'il gagne pas vraiment. Même plus compliqué que ça, parce que techniquement, les habitants de Naboo sont des colons. Oui, les Gungans sont les natifs. C'est eux qui sont bien sûr. Violents, qui ont une culture plus guerrière qu'eux, qui sont supposés être plus bêtes qu'eux aussi. Et on fait quand même appel à eux derrière pour libérer la planète, quoi. Donc c'est en demi-teinte toujours, hein. C'est majoritairement plus progressiste que l'inverse. Mais t'as quand même, voilà, on va pas peut-être y revenir maintenant, mais la prélogie, c'est des films qui sont terriblement racistes, surtout le premier, et pour plein de raisons différentes, et voilà, c'est pour ça aussi que c'est des films qui sont à voir de loin, parce qu'ils sont importants, et même par rapport à leurs défauts, hein, ils renseignent de ce qu'était l'époque du début des années 2000, avant, j'ai envie de dire, qu'il y ait vraiment des questionnements à propos de la représentation des minorités à l'écran. On est avant cette transition qui a pu être opérée, je pense, fin des années 2000, début des années 2010, où on a commencé à vouloir mettre des minorités, en tout cas davantage de minorités à l'écran, ce qui est donc une bonne chose, hein. Heureusement, ça a changé. Mais voilà, c'est des films qui renseignent de leur époque, hein, ce que je voulais dire un peu tout à l'heure, mais que j'ai pas eu le temps. Et voilà, quand tu disais, Benjamin, quoi, c'est des films à voir, oui, complètement, parce qu'au-delà même de leur aspect politique et du fait que Lucas ait compris beaucoup de choses, c'est des films qui s'inscrivent dans un contexte, et à travers mes recherches, hein, je peux en témoigner, il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes d'un point de vue technologique, social, sociétal, à travers les films, et pas forcément à travers ce qu'on y voit, mais vraiment à travers les objets filmiques eux-mêmes. Finalité, tu as quelque chose à ajouter ? Je voulais juste revenir parce que du coup on parlait de Naboo et du fait que du coup les Gungans c'est genre les natifs et les humains du coup c'est les colons. Et du coup je me demandais si par rapport à leur représentation au Sénat, si avant que Jar Jar devienne sénateur, s'il y avait au moins une représentation Gungan pour Naboo au Sénat. Parce que la représentation, c'était Palpatine, finalement, le sénateur de Naboo. En tout cas, oui, c'est ça. Il n'y avait pas de Gungan avec lui. Non, ils étaient trop du cul. D'ailleurs, il me semble que c'est même plus clair que ça. Enfin, il me semble que les deux peuples sont vraiment en froid, en fait, au début de l'épisode 1. Ouais, tu vois, c'est genre toute une population, la population native de la planète qui est même pas représentée au Sénat, voilà quoi. Oui, d'ailleurs, il le dit, Bosnas, que les Nabooiens les prennent de haut et les considèrent comme, tu sais, comme des sous. Une sous-population, et que du coup, c'est pour ça que c'est logique que du coup, ils aient pas de représentation ni rien. C'est genre, oh, c'est la faune locale. Eux, ça pense plus bête que nous. Il y avait un truc c'est ça, il dit, vous ça croit plus malin, vous ça croit plus oui. Grosse cervelle. Littéralement, c'est ce qu'il dit. Oui, bonjour. Ouais, là-dessus, encore une fois, je pense que c'est un biais d'américain. C'est-à-dire qu'il y a la bonne et la mauvaise colonisation. C'est-à-dire que. Bien sûr. Et je crois pas que. De mémoire, je me suis pas retapé la prélogie, je peux pas déconner, mais les Gungans, c'est plus genre les Indiens, encore une fois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas vraiment la colonisation à l'européenne, comme ce qu'eux, ils ont vécu et que les Américains, ils aiment pas. Enfin, qu'ils ont vécu. Enfin, bref, pas vraiment, mais bon. Enfin, c'est pas ce genre d'empire colonial-là. C'est plutôt. Les Américains, donc les Naboo humains, ils sont posés là. Il y a des gens qui vont avec la faune, la flore et les ressources. Et c'est pas vraiment, ils les colonisent pas vraiment. J'ai pas l'impression. Ça, ils me font plus vraiment penser aux Indiens. C'est genre, ils étaient là. Et du coup, le film tient compte du fait qu'il y a des tensions. On est peut-être pas cool avec eux, mais ils peuvent pas dire. Il faut qu'on se casse et qu'on décolonise la planète. Ouais. Ça. En fait, tu dis, mais en fait, on se casse tous d'Amérique et on rend tout ça aux Amérindiens. Ah non, mais l'astuce, c'est que les Gungans, ils vivent sous l'eau, hein, sinon ils les auraient dégagés depuis longtemps. Ouais, je pense. Oui, Grishka. Ça va même. Ça va même plus loin que ça. Les Gungans, ils se font engueuler par Obi-Wan au début du film en mode oui, bah vous aidez pas les Naboo, enfin les humains, tout c'est ça. C'est peut-être vous les fascistes. Ouais, c'est vrai. Non, mais les mecs, ils se font engueuler alors que c'est leur planète, tu sais. C'est clair. Mais en plus, ils se cachent hein, parce qu'il me semble que Jar Jar, au début, il est un peu réticent, enfin tu sais, il est un peu en conflit avec lui-même parce que techniquement il n'est pas censé montrer leur cité secrète aux non-Gungans. Il le fait parce qu'il a une dette envers Qui-Gon. Et puis en plus il va se faire niquer sa race s'il rentre, donc double peine pour lui. Ouais. Et du coup pour continuer sur l'épisode 1, parce que là, on était vraiment sur lui. Là pour le coup je pense qu'on peut vraiment s'attarder sur peut-être un peu plus sur chaque film parce qu'ils sont plus denses justement que la première trilogie de ce point de vue là. Mais t'en parlais Adrien, les soucis de racisme qu'il y a quand même dans ce film qui sont assez importants. Je pense que Grushkov tu voulais en parler toi justement. Ah bah oui, mais oui, il en a parlé un peu Adrien tout à l'heure, c'est tous les accents ultra racistes. Watto, il a un accent l'accent raciste juif et c'est le gars qui veut l'argent. La Fédération du commerce, ils ont des accents racistes asiatiques. Enfin c'est une horreur. C'est vraiment pourquoi? Quel intérêt? Enfin, on parle des Gungans aussi, c'est pareil, ils ont des accents terribles. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte? C'est vrai que pour le coup, ça tombe un peu. Je sais pas si. Oui, je pense qu'il a son rôle, il a eu son rôle là-dedans, Lucas, on va pas se le cacher, mais je sais pas ce qu'il a pris par la tête, est-ce qu'il a voulu utiliser des clichés, des. Calquer des clichés sur des espèces aliens, je sais pas où il a voulu en venir. On avait déjà parlé à l'époque, mais ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui dépasse toujours. Pour lui, c'était comme donner l'accent anglais aux autres. Je pense que pour lui, c'était juste une question d'accent et il a peut-être pas compris toutes les implications racistes que ça pouvait avoir. Ouais, c'était il y a plus de 20 ans. Oui, Grushkov? Non. Non, c'est pas. Alors, c'était Xine, il y a quelque chose à ajouter. En fait, tu as dit exactement ce que je voulais dire. Mais d'ailleurs, en parlant des accents, j'avais vu des personnes sino-américaines qui disaient que Yoda aussi avait une façon de parler qui était un gros cliché de l'époque du chinois immigré qui a du mal à parler anglais, a priori. Dans le fait qu'il inverse aussi les ouais, la syntaxe. La façon. Ouais. Bah, Yoda, comme... vas-y, pardon. Et comme je le disais, vu qu'on sait que Lucas s'est énormément inspiré, voire carrément chopé des trucs des cultures asiatiques pour ses designs, pour ses. Bah pour les Jedi tu principalement, le vois... ouais. tu le vois beaucoup dans toutes les tenues Padmé. Hein. C'est des trucs qui viennent de là-bas. Et du coup, c'est... on pourrait très bien se dire qu'il a essayé de faire de Yoda le vieux sage chinois ou japonais, comme dans, oui, bah, comme dans beaucoup de films. Il lui manque une longue barbe à caresser pendant qu'il parle. Et puis, bah, même dans ses postures, hein, il est souvent en tailleur, tout ça. Oui, Benjamin ? Oui, mais en fait, vous êtes en train de dire ce que j'allais dire. J'avais même pas pensé à la... en fait, il y a un truc aussi, c'est que c'est des tropes de pop culture. Et surtout, Star Wars, qui est quand même très pulp. Et sa référence, c'est Flash Gordon, je crois. Donc, c'était son intention de base, en fait. Ouais. Mm-hmm. Il voulait adapter Flash Gordon. Donc. Et il y a toujours ce truc dans ce type de SF où, en fait, en vrai, les aliens, c'est plus ou moins des humains d'autres pays, en fait. Alors, justement, des fois, il y arrive à le faire un peu bien, genre les Jedi. C'est beaucoup des occidentaux, mais on voit que c'est des kimonos. Effectivement, Naboo, c'est un très bon exemple d'esthétique. Où là, du coup, c'est assez bien utilisé parce qu'en fait, tu vois Naboo, tu te dis pas, ouais, ok, grave, c'est la Chine. Mais tu vois que, en fait, ça crée autre chose. Sauf que des fois, tu as des tropes qui restent. Et notamment, bah, franchement, le meilleur exemple pour moi, c'est le truc de les civilisations de commerçants. Ou de financiers ou de créanciers. Oui. Qui est un truc que tu retrouves en fantasy, en SF. Alors, déjà, faut arrêter avec ça. Et c'est tout le temps la même chose, c'est-à-dire qu'en gros, quand tu imagines un peuple qui serait des marchands ou des financiers, eh bien, ils sont toujours dans ces espèces de tropes-là, et qui sont en réalité des tropes antisémites, à la base, complètement. Mais c'est le cas des nains dans Le Seigneur des Anneaux, mais c'est des trucs un peu inconscients qui datent d'une époque où l'antisémitisme était encore plus fort dans l'inconscient, et sauf que comme les tropes, eux, ont survécu, Et instinctivement, tu vas refaire ce truc, pas du tout évidemment avec une intention antisémite, et c'est valable pour les autres trucs, genre le bon sauvage et ces trucs-là. Le problème, c'est que comme le trope il reste, si tu fais pas l'effort d'aller jusqu'à tous les casser, dans ces films-là, il reste toujours deux trois petits trucs un peu feignants comme ça et qui sont où tu te dis oh là les gars quoi, enfin vous pouvez pas trouver autre chose que ça quoi. Et du coup, c'est pas pour excuser Lucas, hein, mais parce que justement, il devrait y penser. Mais en fait, c'est dans la masse de trucs, il reste ces vieux tropes-là. Des fois, il les dépasse, surtout Lucas, parce que c'est très pulp. Et ça serait bien qu'il... Voilà, par exemple, Yoda, ça va, je trouve. Enfin, je crois pas que quelqu'un est trop... Il a pas un accent asiatique, par exemple, Yoda. Donc ça fonctionne, le fait qu'effectivement, c'est le vieux maître de Kung-Fu. Parce qu'en fait, c'est une référence purement esthétique et cinématographique, et il n'a pas été jusqu'à en faire un trope hyper culturel, et sauf que des fois il le fait et c'est l'angoisse quoi, et ça vieillit très mal surtout. Bah non, complètement. c'est les... mais oui, c'est les... ça, ouais. Vas-y, je t'en prie, Adrien. Non, je disais c'est vraiment les gros points négatifs de ces films. Si vous avez fini sur tout le côté un peu raciste, même beaucoup raciste de la prélogie, j'ai un petit texte que je vais vous traduire, je vais essayer de vous traduire en direct, de George Lucas, où en gros il parlait justement à Cannes, au Festival de Cannes. Il avait donc donné l'un des donc c'était dans les années c'était en, alors j'ai pas la date exacte, mais je pense que c'était au moment de la prélogie justement. Et oui, c'était en 2005, donc un peu après la sortie de l'épisode 3. Si c'était à Cannes, c'était après sa présentation hors concours qu'il faisait toujours à l'époque, oui. Ouais, c'est ça. Et donc, il dit à propos de l'Irak... Il nous faut un jingle moment Nelson Montfort. Vas-y. Du coup, Lucas dit, je vais essayer de vous traduire en direct... Quand je l'ai écrit, donc le film, la guerre en Irak n'existait pas. Nous étions juste en train de financer Saddam Hussein et nous lui donnions des armes de destruction massive. Nous ne le voyions pas, en parlant de l'Amérique, hein, comme un ennemi à l'époque. Et en fait, on allait en Iran en l'utilisant en tant que substitut, en tant que conseiller, juste comme on faisait au Vietnam. Les parallèles entre ce qu'on a fait au Vietnam et ce qu'on fait en Irak est incroyable. Donc voilà, George Lucas, encore une fois, nous montre ses ambitions profondément anti-guerre, pour le coup, parce que c'est... Et en même temps, cette citation montre à quel point, voilà, comme tu disais, Benjamin, tout à l'heure, hein, c'est un, c'est presque un visionnaire, voilà, sans trop le mettre sur un piédestal, hein, mais voilà, un visionnaire dans le sens vraiment littéralement, et il avait compris, quoi, il avait compris. Il parlait de l'épisode 3 en l'occurrence. Oui, je sais pas si c'est l'épisode 3, mais en tout cas, il parlait des films, quoi, de la prélogie. Et c'est pareil, j'avais idée d'avoir vu une interview, alors je sais plus si c'était avec Anne ou pas. Et il me semble que sur c'était pas une interview, c'était lors d'un panel comme ça, pareil. Il était accompagné, il me semble, de Steven Spielberg, si je dis pas de bêtises. Et justement, il disait à quel point, en fait, la guerre en Irak, elle était complètement claquée au sol. Bon, ce sont mes mots. Mais, mais voilà, en gros, il disait à quel point, mais comment est-ce qu'on peut en être encore là aujourd'hui, quoi. Il a dit, voilà, je me rappelle dans cette interview, il avait dit, enfin, dans cette sorte de conférence, il avait dit, voilà, moi, quand j'ai fait Star Wars, la trilogie originale, il y avait, voilà, la guerre au Vietnam, et maintenant, on en est au même point, quoi. On en est au même point. En fait, je pense à un truc, c'est que il y a un truc que je trouve assez marquant avec la prélogie. J'ai l'impression qu'elle a un petit retour en grâce. Les gens commencent à être moins énervés. Il était temps. Et il y a un truc qui est criant, c'est que en fait, il y a quand même consensus. Il n'y a pas vraiment consensus, mais c'est quand même une trilogie qui est largement assez mal estimée. C'est-à-dire que les gens l'aiment pas trop. Par contre, on peut noter qu'il y a plein de moments qui sont ultra marquants et qui sont ultra ressortis, que ce soit en mème ou en culturellement, rien que le truc de c'est quoi, c'est ainsi s'en va la démocratie sous un tonnerre d'applaudissements. Tout le monde se souvient de ça et tout le monde le ressort dans des contextes là, sur internet, pour répondre à des trucs politiques ou quoi, ça fait référence à des choses, et en fait ça a vraiment marqué les gens. Il y a vraiment des points dedans qui ont extrêmement survécu, alors que c'est des films qui sont détestés. Il y a des trucs, même en les ayant détestés, on se rend compte 20 ans après que c'est toujours là, quoi. En fait, c'était quand même pas con, cette prélogie. Elle est très frustrante, en fait, la prélogie. Ouais. Ah, ça aurait vraiment pu être super. De toute façon, les bonnes intentions maladroites, est-ce que c'est pas un peu une marque de fabrique Lucas, de toute manière? Si, complètement. Complètement, ouais. Au final, c'est pas la première fois qu'on nous la met, la réplique du sable. Mais j'ai envie de dire, on a eu des répliques pires que ça, hein, dans Star Wars. Hein. Surtout dans l'épisode 9. Le quoi ? Mais non, c'est sûr qu'avec la post-logie, maintenant, il y a un retour en grâce des premiers films. Mais ouais, c'est cette réplique de Padmé, on nous la ressort. Enfin, je sais qu'on nous l'a ressorti à l'époque de l'état d'urgence, après le Bataclan, ça. Quand il y a eu la déclaration de l'état d'urgence, elle est ressortie. Quand il y a eu la loi renseignement qui est passée, on l'a ressortie. Enfin, c'est souvent un peu cringe, mais ouais, ça a marqué tout le monde. Oui. Ouais, alors. Juste par rapport à ça, peut-être pour nuancer un peu la chose, c'est des films qui commencent à être vieux et qui voilà, ont été faits dans un contexte particulier, dans un contexte, comme je disais tout à l'heure, un petit peu de l'avènement, un petit peu de cette nouvelle vague, hein, de pop culture qu'on a eu au début des années 2000, avec donc Star Wars en premier, mais aussi Le Seigneur des Anneaux, tu l'as dit tout à l'heure, Benjamin, mais aussi également Matrix et Harry Potter, tout un nouveau monde de pop culture qui s'ouvre au monde. Littéralement, hein, à travers Internet, à travers des nouveaux moyens de communication, et donc voilà, c'est des œuvres qui connaissent un culte, en fait, parce que faut pas parler d'œuvre culte. Je pense qu'une œuvre culte, ça n'existe pas. C'est ce que disait le chercheur Philippe Legarne à propos du culte des œuvres. Il disait en gros que les œuvres cultes n'existent pas, il n'y a que le culte des œuvres. Et c'est pas exactement pareil. On verra, je pense. Enfin, même si je pense que la post-logie, on entendra peut-être un peu moins parler d'ici quelques années, comme les deux premières trilogies. Néanmoins, je pense qu'on pourrait en tirer des choses aussi au fil des ans, quoi. Avec 10 minutes. En fait, c'est pour un truc plus ancien, donc on a finalement déjà couvert. Je sais pas si. J'avais un autre thème, mais je voulais pas passer à un autre truc si d'autres personnes avaient des choses à ajouter toujours sur ce thème. Ouais, je voulais juste ajouter que forcément, on a grandi avec ces films, en fait. Enfin, notre génération, qui est la génération qui a grandi avec Internet, déjà de base, a grandi avec ces films. Donc forcément, ça fait partie de notre pool culturel de référence à ressortir comme ça, qu'on a tous inconsciemment ou pas, enfin je veux dire, je pense qu'on a tous vu la prélogie au moins une fois, ou la plupart on l'a vu, et forcément ça fait partie des trucs qu'on va ressortir, et comme on est sur internet parce qu'on a grandi avec, forcément on va la ressortir à ce moment-là, quoi. Il y a ça qui joue aussi pour cette trilogie-là. Oui, bah, je t'en prie, du coup. Alors moi je voulais juste qu'on. Benjamin, excuse-moi, Xinut. Benjamin, c'était pour rebondir là-dessus ou c'était pour partir sur autre chose du coup? Non, c'était si, justement si, avant de passer à autre chose sur Oui. en fait, c'est Matrix qui m'a fait penser à un point qu'on n'a pas dit sur l'aspect du racisme, mais qui vaut aussi pour la première trilogie. C'est que, alors en plus, du coup, c'est paradoxal parce que justement, c'est Lucas et qu'il est maladroit et que d'un côté, il fait d'autres trucs racistes, mais le racisme politique, il est en fait, il est en toile de fond dans Star Wars parce que l'Empire, mais parce que de toute façon il s'identifie aux nazis et tout, c'est pas vraiment dit, mais en réalité l'Empire c'est un empire raciste. C'est-à-dire Oui. Ouais. c'est que des blancs, Oui, c'est tout oui. le temps des blancs et que des humains surtout dans du coup Bah dans ça va le. même plus loin que ça. C'est des hommes humains, enfin, c'est des mâles humains blancs Mais comme Matrix en fait, c'est qui ça sont qui dans m'y a fait l'Empire, penser. effectivement. Et là, pour le coup, alors maintenant, avec le premier ordre, ça s'est un petit peu allégé de ce côté-là. On a souvent parlé dans d'autres épisodes, mais effectivement, oui, c'était pour coller au fait que les États fascistes, enfin, les États fascistes, les régimes autoritaires et fascistes. Dont il s'est inspiré, aussi bien le nazisme que même bah, le fascisme italien, c'était des régimes pur, enfin, machistes, hein, simplement, enfin, sexistes. On parlait de Leni Riefenstahl tout à l'heure, Hitler disait que c'était. Il parlait de Leni qui disait que c'était une anomalie. Enfin, si elle avait ce poste-là, qu'elle était si, enfin, si douée, qu'elle était à ce poste-là, c'est que c'était une anomalie. Elle n'aurait pas dû se trouver là. Donc, non, non, il y a ce côté-là, effectivement, l'Empire est. Enfin, c'est plus développé dans l'univers étendu, l'ancien, le nouveau, mais effectivement, oui, l'Empire est raciste, sexiste, et évidemment, oui, fasciste. Tout ce qu'on veut. Voilà, la totale, hein, la complète, Et chef. du coup, en opposition, il y a du coup l'alliance. Bah, déjà, il y a plus de diversité, je pense, au niveau du cast. Ça, vous me direz. J'ai l'impression qu'il y a plus du cast humain. Déjà, bon, même si c'est pas la panacée, il y a quand même il y a des femmes. Je crois que enfin, il y a quand même un petit peu plus de diversité à ce niveau-là. Puis surtout, il y a des aliens, enfin des non-humains en fait dans le truc. Mais ce que je me dis, c'est que encore une fois, c'est typiquement américain parce que j'ai pas l'impression. Et pareil, vous me corrigerez que l'Empire soit comme les nazis, c'est-à-dire un truc exterminateur. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression. Par exemple, sous l'Empire, bah, les non-humains, ils ont pas l'air d'être. Enfin, ils font leur vie, ça change pas. Par contre, le pouvoir est aux hommes humains blancs, et ça, en fait, c'est du suprémacisme blanc, en fait. Et c'est très américain. C'est-à-dire que c'est pas des. J'ai pas l'impression que dans le côté génocidaire de l'Empire, c'est plutôt je vais péter des planètes. Et c'est purement guerrier, mais il n'y a pas de. Il me semble pas qu'il soit sous-entendu qu'il massacre certains types de. Pas dans les films en tout cas. Mais sinon oui, il y a un aspect génocide via le travail forcé en tout cas. Mais ils Dans détruisent une l'aspect. planète quand même. Bah, ils détruisent une planète, mais Ouais. c'est le côté coup de force fasciste, c'est-à-dire Oui. qu'on impose sa loi par le coup de force. Voilà, Oui, bien sûr. on écrase les dissensions par la violence. Mais il y a enfin. Si, enfin, en tout cas, dans les romans, il y a une approche génocidaire. Oui. Oui, clairement, il y a Ouais. les Wookiees sont réputés pour être vraiment réduits en esclavage. D'autres Oui, mais c'est l'Amérique, populations du coup. également. C'est très américain. Oui, c'est vrai. Oui. Mais Mais ok, je tu savais pas. regardes. Excuse-moi. Non, pardon, c'était juste pour dire merci parce que j'avais pas justement ces Ah, votre ok. réponse érudite de l'univers étendu. Bah, après, on avait dit qu'on voulait se caler vraiment sur les films pour que ce soit accessible à tous, hein, mais Ouais, effectivement, ouais. juste par rapport à ça, justement, au niveau de l'univers étendu, c'est un truc qui a été surtout mis en œuvre avec donc le rachat de Disney depuis 2014, avec donc c'est là où il y a les nouvelles œuvres qui ont commencé à sortir. Mais voilà, on a vu au fur et à mesure des années plusieurs généraux de l'Empire qui étaient ou du premier ordre, hein, c'est plus ou moins, on verra un peu les différences tout à l'heure, mais qui donc étaient autre chose que des hommes blancs dans l'univers étendu, hein, j'entends, donc que ce soit dans les bandes dessinées ou Oui, il y a eu un dans les rétropédalage romans. dans l'univers étendu depuis le reboot de. Ouais. Depuis son reboot, depuis le reboot de l'univers étendu, il y a eu un rétropédalage de ce côté-là pour que l'Empire ne soit pas uniquement sexiste. Ouais. Enfin, raciste Et toujours, mais aussi ouvert aux femmes. aussi par rapport à ça, Il me semble hein, qu'ils ont complètement switché de empire voilà, raciste, donc suprémaciste blanc, à vraiment juste suprémaciste humain. C'est ça, oui. Oui, oui, oui, c'est ça, effectivement. Ouais. Je confirme. Xinut, t'avais quelque chose depuis tout à l'heure, on t'a coupé, on t'a pas repris, dis-nous. T'inquiète, ouais, moi je voulais, alors on a parlé un peu de Jedi, de personnages, je voulais qu'on ait un petit mot sur les Jedi en tant qu'institution, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler jusque-là dans les, c'était un truc vague un peu dans la trilogie originale, et là on est vraiment à leur période, alors je suis pas complètement certain, mais on doit pas être loin de leur apogée, où là ils sont vraiment impliqués dans tout. Non, c'est leur déclin même, nombreux. En fait. On est pas donc loin. Tu veux dire qu'il y a une période où ils étaient quand même un peu plus... Ouais, ils sont à leur apogée de toujours pas lu la Haute République, désolé. Ah bah voilà. En termes de nombre okay. et de puissance, je sais même pas s'ils sont à leur apogée, mais on sait que la fin est proche en tout cas, hein, en tous les cas. Ok, ouais. Mais bah justement, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a aussi cet aspect-là où ils ont, en tout cas, vous me direz, voilà, les lecteuristes de la Haute République, ils n'ont jamais été aussi arrogants sur deux, et puis voilà, ils s'en cachent même plus. On a le personnage de, comment il s'appelle là, de Qui-Gon, qui est bien dans un style anarchiste de droite, c'est genre, il a son idée, il n'a pas trop envie de s'embêter avec les fioritures ou de choquer les gens. Mace Windu, qui est là en mode, voilà, les Jedi, on n'est pas au service le pire, du Sénat Galactique, c'est plutôt l'inverse. À quel le pire, Mace Windu? Donc on est vraiment alors il y a un petit peu un parallèle qu'on pourrait faire avec je sais pas l'Église en tant qu'institution qui vraiment voilà a accumulé tellement de pouvoir que finalement ça a été remplacé. Au départ c'était une idée plutôt cool, puis finalement c'était remplacé par des carriéristes qui sont juste là pour se faire mousser et qui amènent leur propre destruction, un peu comme la République en fait. Ils font tous les deux les deux font les mêmes erreurs, mais là ça se voit vraiment bien. Et c'est vrai que tout le monde est familier avec le cliché justement des politiques corrompues. Les Jedi, c'est quand même un petit peu plus ambigu. Il faut arriver à lire un peu entre lignes parce qu'ils se présentent quand même comme des négociateurs, comme des gens qui vont promouvoir la paix. Et finalement, ça va prendre une seconde de plus pour s'apercevoir que finalement, il y en a beaucoup qui sont là juste pour faire, préserver la situation actuelle et préserver le pouvoir qu'ils ont au sein de la République. Alors, Benjamin, je sais pas ce que vous en pensez. On avait déjà établi que les Jedi étaient de droite par le passé. oui. Mais bon, tout le monde n'a pas forcément écouté tous les épisodes précédents, donc je voulais en reparler. Mais moi, personnellement, ce que je vois, c'est une sorte d'immobilisme, hein, clairement. Enfin, la situation leur convient bien. Et ce qui est plus gênant, c'est qu'il me semble qu'ils n'hésitent pas à s'engager dans l'armée, enfin à prendre la tête de l'armée de la République. Ils hésitent 10 secondes. Oh, bon, allez, si vous demandez gentiment, on n'a pas demandé, ben on va le faire quand même. La bagarre. On accepte. En ce moment, c'est un peu chiant, en ce moment, on va y aller. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se demander où placer les Jedi dans tout ça, quoi. Et puis même, voilà, c'est compliqué parce que, genre, Qui-Gon, il est très con, mais il essaye de faire des trucs, voilà, il voit que c'est le bordel dans l'ordre Jedi. Alors lui, il vient avec sa prophétie, justement, le mec un peu allumé, mais il voit qu'il y a un problème, mais il fait n'importe quoi pour... la manière dont il essaie de régler le problème, c'est n'importe quoi. Oui, Benjamin. Ouais, il y a en fait sur le. Une petite anecdote sur les Jedi. Moi, en fait, c'est un truc que je trouve cool avec ce genre de grande fresque. C'est que tout le monde s'y retrouve. On peut tous aimer et pas du tout les mêmes trucs. Et genre, moi, je sais que j'ai jamais aimé les Jedi. et fun fact, mon deuxième prénom, c'est Luke à cause de Luke Skywalker. Ah oui. mon grand frère qui a forcé, apparemment. c'était pour l'anecdote, mais j'aimais pas les Jedi sauf Luke, et je savais pas trop pourquoi. En fait, il me saoulait. En fait, j'ai jamais trop aimé les persos qui, voilà, ces trucs un peu mystiques, New Age, ça me saoule. Et en fait, il y a un article de Slavoj Žižek, alors je sais plus où vous pouvez le trouver, sur où il parle justement de la philosophie des Jedi, et il dit en fait c'est une espèce de truc néo-bouddhiste occidental, c'est-à-dire c'est et d'ailleurs j'ai lu tout à l'heure que Lucas qui est plutôt chrétien Et un chrétien qui aime bien le bouddhisme, il s'intéresse beaucoup à la philosophie orientale, et ça l'intéresse tout ça. Et en fait, ce néo-bouddhisme, entre guillemets, alors je précise bien occidental, c'est-à-dire que tel que pris par justement les occidentaux dans les mouvances New Age, cette espèce de spiritualité, qui a assez peu à voir avec le bouddhisme, qui de toute façon a 12 000 philosophies différentes, mais en fait, c'est devenu une vraie religion du capitalisme libéral moderne, en fait. C'est-à-dire que c'est ce truc de... Ah, mais en fait, c'est tous les anciens hippies de la Silicon Valley qui sont milliardaires, quoi. C'est pas important les choses matérielles. T'as ce truc-là, et que moi je trouve absolument insupportable. Et quand j'ai lu cet article de Zizek, je me suis dit, mais oui, c'est ça, les Jedi, ils sont comme ça, ils sont horribles. Et dans la prélogie, justement, un des trucs qui me saoulait, c'est que, mais bon, c'est fait exprès aussi, c'est que tout leur truc de attention, les émotions, les choses matérielles, c'est pas bien, nous on est dans des trucs un peu plus élevés. On est au-delà de ça. C'est ça qu'il est cool. C'est ça qu'il est cool. Parce que, en fait, c'est comme ça qu'il nique Anakin et qu'il le rende complètement facho, là, parce qu'il peut. Alors, juste parce qu'il ne l'autorise pas à aller sortir avec une meuf. Il y a vraiment ce truc-là de y a... Et en fait, je trouve que ça rend le film cool. C'est-à-dire que même en n'aimant pas les Jedi, je m'y retrouve. C'est que je me dis, mais oui, c'est vraiment des trous de balles. Et c'est bien fait. Enfin, c'est pas bien fait pour leur gueule, mais ils se sont fait ça eux-mêmes avec leur connerie. Et j'ai toujours bien aimé Luke, parce que Luke, il est un peu en mode. Il a pas eu justement le poids de l'institution derrière. Et dès les premiers films, en fait, t'as ce truc de. Bon, il a l'enseignement quand même d'un vieux maître, mais il fait un peu à sa sauce. Et genre, quand il arrive dans le dernier, là, qu'il a son gant noir et qu'il défonce tout le monde en mode il est vénère, il y a vraiment ce truc de Luke, en fait, il prend que ce qui est bon dedans, en fait. Que ce qui lui va, ce qui est utile, c'est-à-dire la justice, il va à la base et il a plus toutes ces conneries. Il sort jamais de discours trop New Age comme ça. Et je l'ai toujours trouvé hyper cool. Et pardon, je finis l'anecdote du coup sur Luke là-dessus, c'est que c'est un des trucs que j'ai adoré dans The Last Jedi. Le fait que Luke soit le type qui dit mais c'est. Promis, on va y venir. Et c'est pour ça que c'est cool. Et c'est pour ça que je dis les Jedi, je valide, c'est de droite sauf Luke. Mais t'es sûr que tu nous as jamais écouté en fait parce que. Non, c'est typiquement le discours qu'on a pu avoir bien des fois autour des Jedi. Justement, ce qui est intéressant, c'est que cette prélogie aussi, c'est la chute des Jedi, en même temps que la République, mais les gens ne perçoivent pas comme ça. J'ai toujours trouvé ça intéressant. C'est sous leurs yeux, pourtant, c'est sous nos yeux, mais ça, tout le monde ne le voit pas forcément. Oui, Grushkov. Non, bah du coup, je voulais dire que oui, c'était pour ça que dans la postlogie, t'as lui qui dit littéralement, mais les Jedi de la prélogie, ils puent la merde. C'est littéralement sa réplique. Il dit, ils puent la merde. Ils sont claqués au sol, frère. c'est dans la novélisation de la Jedi. En fait. Viens voir, Ray, il faut que je te parle des Jedi parce que vraiment, c'est un de ces bordels. Le pire, c'est qu'il a. Il a raison parce que les Jedi de la prélogie, ils sont comme le Sénat en fait. Tu sais, tout le truc administratif, la lourdeur administrative et tous ces trucs-là, à pas savoir quoi faire, puis finalement à prendre les armes là où il faudrait pas, mais quand c'est trop tard. Ils sont le parallèle de ce qu'il décrit en même temps. Oui, bah ils sont tout aussi corrompus que la République en réalité. 10 minutes. Et puis ouais, non, en fait, c'est toute cette idée derrière les Jedi, là, c'est terrible, parce que genre, tu files tout ce message, justement, de contrôle des émotions, de garder le calme, à un gamin, voilà, qui a pas une super... qui grandit, qui a pas une super opinion de lui-même, par exemple, moi. Genre, voilà, c'est une terrible, en termes d'image, dans un truc que tu te projettes, parce que moi, au contraire, j'ai grandi, justement, en trouvant ça méga cool, les Jedi, avant de me poser un peu plus de questions, notamment via le podcast. Et c'est vrai que, voilà, c'est... Et justement, j'en viens à me demander... donc, nous, on a maintenant cette lecture de l'Ordre Jedi. Moi, je me demandais, est-ce que c'est un truc volontaire? Est-ce que Lucas voulait qu'on les perçoive comme ça? Ou est-ce qu'il était très content de la manière dont il le représentait et il ne se rendait pas forcément compte de l'image... que l'image qu'il véhiculait, en fait, c'était vraiment pas terrible. Et ça, je crois que c'était pas volontaire. Bah, après, il semblait avoir vu que c'était pas volontaire. Pour lui, les Jedi, c'était vraiment les cool guys, tu vois. Okay. Ouais, Finali. Bah, je ne sais pas, parce que quand même, dans la prélogie, tu as tout le côté, littéralement, les Sith, ils sont là, les méchants, ils sont là, et les Jedi, ils sont aveuglés par leur orgueil et ils les voient pas venir, quoi. Il y a quand même tout ce pan-là, quoi. Genre, ils sont tellement confortables qu'ils voient pas du tout qu'il y a l'ennemi qui est juste à leurs pieds, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est volontaire ou... Le mec, il est dans l'immeuble d'en face, quoi. Ouais. Non, mais même avec eux, il avait que en réu, tu sais. Ouais, ils sont en réunion dans la même pièce, ils sont en train de faire un PowerPoint. Il y en a pas un qui dit ça sent pas un peu la merde ici, c'est chelou. Moi, ouais, c'est quand Yoda, il fait le côté obscur bouche notre vision. Bah ouais, t'as littéralement Palpatine qui fait deux fois ta taille devant toi. Fais le rapprochement. Il y a des sketchs de Star Wars Lego qui sont sortis sur. Bah, ils sont sur Disney Plus. Où justement, il y a justement ça, où c'est très drôle d'ailleurs, les Star Wars Lego. Et où justement, il y a Yoda qui est là. Ah, je me demande bien qui est le Seigneur Sith. Et puis, il y a vraiment Palpatine en face qui regarde sur le côté en mode oh, je sais pas. Et puis qui recule tout doucement, tu sais. Et vraiment, c'est absolument ça. Mais moi, je suis un peu du côté de Funeli là-dessus. Je pense que c'était volontaire parce que vraiment, c'est des gros blaireaux, les Jedi, sinon. Oui, Benjamin. Si je peux... Pardon, vas-y. Non, vas-y. Juste si je peux émettre une hypothèse là-dessus, je peux pas le prouver, mais je pense que ce qu'ils critiquent chez les Jedi, c'est un peu ce qu'ils critiquent dans la République. C'est-à-dire, ils sont super, mais ils se sont laissés aveugler par leurs propres contradictions, ce truc-là. Mais par contre, je pense, et notamment le fait d'avoir lu justement qu'il aimait bien le bouddhisme et ces trucs-là, et qu'il est autant fasciné par les philosophies orientales, sachant que justement c'est un type de la contre-culture geek des années 70 qui du coup va avec cette mouvance aussi de se tourner vers l'Orient, le truc un peu New Age tout, je pense que lui il trouve ça cool. Je pense qu'il trouve que les Jedi c'est cool. Après, il n'empêche qu'il présente quand même, ne serait-ce que pour des raisons narratives, parce que sinon c'est pas intéressant, leur aveuglement, leurs choses comme ça. J'ai l'impression que c'est critiqué le fait que justement ils restreignent les émotions. Mais par contre, je pense qu'il est vraiment marqué par tout ce truc-là d'Américains, d'États-Uniens, de « Ouah, c'est trop bien, on va aller faire un séjour au Népal et on va se reconnecter avec notre chakra. » Lucas, c'est un bib, en fait. Ouais. Ouais, voilà, je pense qu'il trouve vraiment que les Jedi, c'est trop stylé, quoi, comme philosophie. Après, voilà, ils sont représentés, comme on disait, ils sont corrompus. Alors, ils sont corrompus par leur orgueil, quand la République est corrompue par la thune, mais il y a... Il montre ça également. Mais Palpatine, il doit tellement se dire que les autres, c'est des gros teubés en face, parce que t'es genre « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Le côté obscur est fort par ici, mais le gars, il est littéralement dans la même pièce en mode voilà, chaud, quoi. Il est en MP aussi, avec ses potes sites. Une fenêtre. Regarde ces gros blaireaux. En plus, ils savent qu'il y a le côté obscur et tout, mais genre, ils cherchent pas, tu vois. Juste, on fait avec, hein, tant pis. On voit rien. Il fait un challenge avec ses potes, il écrit sur un papier, c'est moi le Seigneur Sith, il le met sur son bureau juste pour voir. Ils le sentent et tout, mais tout ce qu'ils font, c'est genre ils mettent un peu de fébraise et ils continuent leur live, quoi. Et puis, tu sais, vraiment, Mace Windu qui parle à Anakin. Au fait, Anakin, on a des raisons de penser que le Seigneur Sith serait en fait le chancelier Palpatine. Non, sans deck. Vraiment? Non. Et pourquoi t'en parles à son meilleur pote, quoi? Pourquoi t'en parles à son meilleur pote? Mais oui, mais grave, mais oui. La pire personne à qui dire ça, tu sais, genre, oh, tu sais, ton meilleur pote, là, qui est ton mentor et que auquel t'es super loyal, bon, bah, on pense que, en fait, c'est lui le Sith, donc on va probablement l'arrêter, tu sais, avec notre méthode Jedi. Surtout, ils lui disent ça, et puis juste après, ils lui disent, mais reste plutôt au temple, s'il te plaît. T'as l'air fatigué, va te reposer un peu, non, nous, on y va. Et en plus, c'est vraiment dégueulant. C'est censé être plus ou moins, ils font un peu la police, c'est un peu des espions et tout. Enfin, genre, je me dis, mais comment ils gèrent le reste des trucs? Parce que en fait, si c'est eux qui doivent gérer la sécurité dans la galaxie, vu comment ils gèrent leur propre religion. Parce que les Sith, si je comprends bien, c'est plus ou moins l'autre tendance de leur truc, en fait. Et déjà, ils n'arrivent pas à gérer le seul truc qui les concerne directement. Alors je me dis, putain, quand ils les envoient en mission diplomatique ou je sais pas quoi, On a vu, hein, mission diplomatique épisode 1, voilà ce que ça donne. Obi-Wan qui fait de l'espionnage, on a vu ce que ça donne dans l'épisode 2. je crois que c'est... Et c'est quand même le Jedi le plus efficace. Hein. Et c'est ça qui est terrifiant. Obi-Wan. Oui. On avait établi que c'était un gros nul en fait dans tout ce qu'il faisait, mais je crois que ça confirme bien. Je continue de l'aimer. On l'aime tous. On l'aime tous. Même si, voilà, s'il est un peu nul, on l'aime bien. Est-ce que vous aviez d'autres choses sur la prélogie? Histoire qu'on se garde un petit peu de temps pour la postlogie, hein. Si on a fait le tour. Est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter? La postlogie. La postlogie, on peut la speedrun, on va juste s'attarder, je pense, sur un film principalement, mais la postlogie pour jouer. Je me demande bien lequel. Le truc, c'est que la postlogie, c'est l'inverse de la prélogie. La prélogie, les gens se plaignent qu'il y ait trop de politique, finalement, la postlogie, il n'y en a pas assez. Enfin, il n'y en a pas assez, voire pas du tout. Parce que mine de rien, dans l'épisode 7, on nous skip toute cette partie-là, on a à peine du background, et c'est évacué directement, on a juste, basiquement, finalement, des méchants et des gentils, et les méchants, ils sont habillés en Asie, quoi. On nous zappe un peu toute cette partie-là, je trouve. Il y a un côté, toujours, sur la colonisation et le fait que Rey elle soit raciste avec les habitants natifs de Jakku, donc c'est vous savez les espèces extraterrestres qui sont tous reliés les uns aux autres, c'est les natifs de Jakku et donc du coup Rey dit bien que voilà, Rey n'en pense pas beaucoup de bien quand elle parle à BB-8 et donc voilà, Rey c'est pareil vraiment human trash. Moi je parlais de la politique au sens large dans la postlogie, on n'a pas grand chose à faire. C'est politique le fait que ce soit, encore une fois, il y a une planète qui a été colonisée, alors pas que par des humains pour le coup, mais. Les natifs sont pas forcément bien. La différence c'est que Jakku, il n'y a pas vraiment. Enfin, là on sort des films, mais il n'y a pas vraiment une colonisation sur Jakku. C'est des mecs qui sont venus se pointer, ils s'y sont installés, mais il n'y a pas eu un programme de colonisation comme il y a pu y avoir dans la bordure extérieure. Sur Tatooine, sur tout ça. Là, il y avait vraiment derrière des volontés de colonisation sur Jakku. Jakku, c'est un trou à merde. Hein. Enfin, il y a trois pécores. C'est pas, tu vas pas sur Jakku par plaisir. Hein. Ou par ambition. Donc, oui, il y a le rapport comment dire, natif et j'ai plus mes mots. Pas natif, mais il y a ce côté-là, c'est sûr. Mais c'est pas le même rapport de. Je trouve, hein, perso. Vas-y, Funeli. Ouais, après, du coup, sur le côté politique global, on se retrouve avec quand même la fameuse Nouvelle République qui est en place, qui, du coup, en fait, a l'air d'être à peu près comme la République qui était en place avant. Et la différence, c'est que, à la différence avec la première trilogie, c'est que là, t'as à la fois cette république qui existe et t'as toujours une résistance qui est en place. Parce que c'est ceux qui continuent à dire oui, alors par contre, il y a encore les nazis là-bas, il faudrait peut-être qu'on continue à lutter contre eux et pas les laisser faire leur vie comme si de rien n'était. Parce que. Ça donne un peu la vibe comme si la Nouvelle République était un peu genre tu comprends, faut aussi les laisser vivre quoi. Ouais, mais il y a une dynamique particulière, mais je trouve qu'elle est mal abordée, mal présentée si on veut. Gauche, elle est surtout coupée au montage. Il y avait quelques scènes où en gros Leia elle envoyait quelqu'un au Sénat pour leur demander la pluie et tout. Il y a même un plan sur le personnage pendant la destruction des planètes de la République en fait. Mais t'avais tout un truc en fait où les gars ils font vas-y Leia fais ton truc, de toute façon toi t'es une anarchiste extrémiste, on te connaît, va faire ta guérilla, mais nous on s'en lave les mains et c'est pour ça que le truc dure 5 minutes et ils se font dégommer tout de suite parce que ils veulent pas agir contre. Parce qu'il y a Leia qui leur dit mais les gars, il y a littéralement les fachos de l'espace qui sont allés au Brésil. C'est littéralement ouais. Ça. Ils sont allés au Brésil, en Argentine, et ils se sont refaits. Et là, ils reviennent. Et les gars, ils font ouais, mais on veut pas de conflit, on veut pas de guerre. Alors, on veut bien que tu fasses ton truc, mais tu dis pas que t'es nous. Et puis, on te donne du vieux matos moisi. C'est pour ça que pour de vrai, c'est littéralement pour ça qu'ils ont toujours des vieux X-Wing. C'est l'excuse qu'ils ont donné pour pas inventer de nouveaux vaisseaux. C'est, en gros, ils ont des vieux modèles de X-Wing qui ont été donnés enfin qui sont tombés du camion ouais, voilà, oui. de la Nouvelle République. Et c'est dommage parce que ça aurait pu être super intéressant, mais le film mais coupé tout ça est évacué, parce que comme je disais, tout ce qu'on se retrouve, c'est avec des méchants qui sont habillés en méchants. Ça, on a l'habitude maintenant, on connaît, hein. Ils font des grands discours et puis ils sont tous alignés et ils font des saluts nazis. Bon, voilà, on sait un peu dans quel terrain on est, hein, c'est des méchants. En face, on a des gentils, genre, pareil, l'habitude, hein, les rebelles, machin, ça, c'est très ressemblant. Il y a cette république dont on sait quasiment rien, qui se fait démolir en plein milieu du film. On n'a même pas forcément idée des implications que ça peut avoir derrière, même si tout le monde a l'air catastrophé. Alors déjà, même du point de vue émotif, ça marche pas forcément pour d'autres raisons, mais... émotionnel, ça marche pas forcément, mais en plus, du point de vue de l'histoire, on est un peu paumé parce qu'on sait pas trop les tenants et les aboutissants de tout ça. Ce premier ordre, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il est comme l'Empire, il est appuyé sur un territoire donné? Est-ce qu'il a la main? Est-ce qu'il est en position de force? On sait rien de tout ça, finalement. Il y a vraiment très très peu de choses qui sont données dans ce film-là, même dans les suivants, finalement. Et ça allège forcément le propos, je trouve, de toute la trilogie. Vas-y Benjamin, pardon. Non mais du coup j'avais rien à dire, donc très bien. Non mais je pense vous l'avez peut-être déjà évoqué dans d'autres podcasts, qu'il y a la vidéo de Lindsay Ellis qui s'appelle l'idéologie du premier ordre. J'allais la citer. Oui. Alors j'ai vérifié là, il n'y a toujours pas de sous-titres français sur cette vidéo, mais en gros le propos étant que elle explique qu'en gros ils en ont pas, c'est-à-dire que Disney a fait un truc, ils ont repris l'esthétique, prend l'exemple vraiment du truc de en fait ils font des défilés nazis de Stormtrooper à Disneyland, et t'es là genre mais mec, enfin c'est des nazis de l'espace, pourquoi vous faites ça, c'est pas marrant. Ouais. Comme quand ils avaient fait la vanne de c'était un truc de com sur les réseaux sociaux où c'était alors vous êtes plutôt le premier ordre ou l'alliance, et les gens étaient là mais ok, dans Indiana Jones c'était plutôt Indiana Jones ou les nazis quoi. En fait ils jouent avec ça, ils ont gardé que le côté purement esthétique, ils ont entièrement dépolitisé le truc. Oui, mais oui. Bon, ils ont quand même gardé l'esthétique un peu suprémaciste blanche, mais c'est vraiment un truc qui a même pas énormément pour la suprématie blanche, parce que justement, alors nous on a souvent amené ça dans le podcast par le passé comme un progrès, parce que justement ça permet aussi plus de diversité, mais quelque part c'est aussi alléger le propos, parce que finalement ce premier ordre, il est plus aussi raciste qu'il l'était avant. Alors je crois qu'il est même, enfin si, il est non-humain, enfin il est comment dire, xénophobe dans tous les cas, mais pas de la même façon que l'Empire. Et en tout cas il y a des femmes parmi eux, des hommes de couleur, c'est beaucoup plus allégé de ce côté-là. Pardon, oui. Est-ce que justement le côté ça pourrait pas être aussi une stratégie pour se montrer, tu vois, genre regardez, nous on n'est pas l'Empire, on est sympa, alors que c'est juste la même chose et que c'est juste l'hypocrisie, tu sais, c'est comme si tu veux Philippot au FN, genre on n'est pas homophobe, on a un gars, il est gay. Regardez, on n'est pas méchants. Après, ils sont pas plus mis en avant que cela. Enfin, on les voit dans les rangs, mais je sais pas s'il y a une propagande de ce côté-là. En tout cas, pas dans les films, dans tous les cas. Mais... Non, mais je veux dire, de toute façon, je pense que du côté pratique de la réalisation et tout, c'était plus logique de pas mettre que des blancs partout. Oui. Merci, mais du côté du premier ordre, tu pourrais très bien te dire que déjà eux ils sont contents d'avoir de la main d'œuvre, donc si tu suis nos idéologies, viens, mais que aussi justement ça leur permettrait d'avoir un argument et une façade plus ouverte et plus regardez, on est des progressistes. il y a peut-être ça aussi. En fait, c'est ce que fait. Enfin, moi, je pense justement mon hypothèse, c'est plutôt que c'est un truc que Disney fait tout le temps. Et du coup, en fait, ils font ce que tu dis que l'Empire pourrait faire. Mais c'est intéressant comme analyse de se dire que l'Empire pourrait utiliser des stratégies comme ça de pure représentation. Des stratégies de Disney. Et en fait, c'est typique de Disney récemment. C'est-à-dire que Disney, ils font ce truc qui est justement, on va essayer de montrer que voilà, on fait pas trop de merde sur la représentation, etc. Parce qu'il y a ce truc de. Le public a évolué, donc ils essaient de faire attention, mais comme de toute façon ils le font pas de manière très sincère, même si j'imagine qu'il y a des créatifs chez eux qui sont tout à fait contents d'aller à fond là-dedans, et notamment parce qu'il y a aussi il y a des femmes, il y a des noirs, il y a des personnages LGBT à Disney qui sont très contents que Disney fasse des efforts là-dessus, mais ils les font à la Disney, c'est-à-dire qu'ils mettent toujours tout sous le tapis, C'est-à-dire que c'est vraiment genre ah bon bah, on va foutre une femme stormtrooper quoi, une femme enfin elle est pas stormtrooper mais elle est officier de truc, et c'est vraiment le truc et c'est très truc libéral américain, c'est-à-dire féminisme libéral américain, antiracisme libéral américain, c'est genre le, en gros le féminisme c'est il nous faut plus de femmes Waffen SS quoi, c'est vraiment ça, et en fait ça dépolitise tout, et après c'est très bien sur certains points, par exemple sur pourquoi j'ai oublié son nom, le Stormtrooper. Finn. Voilà, Finn, c'est pas, il y a une logique parce que c'est un troupier. Et justement, comme vous disiez par exemple que c'est des gens qui ont été arrachés à leur famille et tout, le fait que ce soit un Afro-Américain qui joue, d'ailleurs il est anglais, je crois, l'acteur. Oui. Ouais. Mais bon, oui. Bref, que ce soit une personne noire, ça a du sens aussi, et c'est bien parce qu'il y a plus de diversité dans le truc. Mais le faire sur l'Empire, en fait, ça pète tout. En fait, c'est vraiment, ils n'ont pas compris le délire, et ils veulent juste que personne se fâche. Oui. Voilà, on parle pas trop de trucs, on va pas aller trop loin. Ils vont aussi pas trop loin dans la représentation. Je pense que le cas de justement Finn et Poe, d'avoir commencé à écrire un truc qui aurait pu devenir une espèce de romance, etc. je suis prêt à parier que que les réunions c'était laisser une porte ouverte là-dessus, voyez si ça prend, et s'il y a du backlash, non. Et ça donne le dernier film où en fait ils ont ajouté un personnage pour bien montrer que Poe il est bien hétéro. Et je pense qu'ils fonctionnent tout comme ça en fait. Oui, et donc oui voilà, pardon, c'était. Pardon. Ils sont très performatifs mais très creux, tu vois, c'est vraiment juste la diversité mais juste dans l'image, pas dans le fond. Et d'ailleurs pour revenir sur Finn, ils ont fait un des trucs qui est très décrié justement par les militants antiracistes, qui est le token noir, qui est quand tu prends un personnage noir et que tu le mets en avant à fond pour faire genre regardez, oh là là, et puis au final tu en fais rien parce que les gens, les personnes noires et autres personnes racisées, quand ils ont vu Finn, et si on regarde la promo, et ben ils étaient persuadés que Finn serait un Jedi, parce que la promo c'était lui qui avait le sabre laser, il était vachement mis en avant comme avec le sabre bleu, etc. Et au final, il a été foutu de côté à la fin de TFA pour dire ah bah non, hey, twist, c'était la fille, tu vois, genre ils auraient pu faire les deux, ils auraient pu mettre des personnages racisés plus juste, pas juste pour le montrer, oui bon regardez on a un noir qui est en premier plan. Puis en parlant c'est de personnages féminins, on a aussi Phasma qui est complètement sous-exploité alors qu'il y avait quelque chose à faire aussi, mais qui a été mise là aussi je pense pour qu'il y ait aussi voilà, pas plus de femmes chez les nazis. À des postes de pouvoir chez les nazis. Alors Adrien veut nous parler depuis très longtemps. Alors oui, c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport à l'esthétique en fait nazie justement. C'est dans la thèse de la chercheuse Abigail Reed, qui est donc sa thèse s'appelle Interpretations and Reception of Alternative Subjectivities in the Disney Produced Star Wars Films. Et donc dedans, elle va à un moment au parc d'attractions Star Wars, donc. Elle a été à celui qui est en Floride, je crois, à Disney World. Et donc, elle a pu constater des objets à acheter, hein, avec vraiment une consonance vraiment du merchandising, à consonance vraiment nazie, hein, pour justement, avec l'esthétique nazie de qui a été reprise pour des, voilà, des petits sacs à dos, ou tu vois, genre une gourde, quoi. Des couvertures douces aussi, des doudous aussi. Ouais, alors, pour la blague, je dis ça, mais j'ai un petit plaid Phasma sur moi actuellement, tu vois. mais on me l'a offert. Mais non, mais en vrai, voilà, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il y a vraiment, jusque dans le merchandising, hein, une volonté de dire, mais non, c'est pas des nazis, vous inquiétez pas, regardez, achetez leurs trucs. Mais justement, est-ce que alléger le propos sur le premier ordre dans le film, c'est pas aussi faciliter la vente de produits dérivés derrière? Oui, alors réfléchis. Tu peux le faire sans état d'âme parce que c'est pas vraiment. Remarque, ils n'avaient pas d'état d'âme pour les Stormtroopers, ceci dit. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils n'ont jamais eu de soucis avant non plus. C'est vrai que ça, c'est aussi une critique. Genre, c'est pas arrivé non plus avec la post-logie avec Disney. Hein. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. De l'Empire, je veux dire, littéralement la 501e, c'est quoi? C'est le plus gros groupe de cosplayers et ils ont pas attendu la post-logie pour exister. C'est comme si les mecs s'appelaient les FNSS, mais en fait, mais. Non, mais c'est pour ça, où, c'est là où, voilà, on en reparle, mais je suis ultra excité de voir enfin, à travers donc, les œuvres de la Haute République, d'autres méchants qui ne soient pas une représentation des nazis, en fait. Et on a besoin dans Star Wars d'autres méchants qui ne soient pas des régimes fascistes, en fait. Et en même temps, à côté, t'as le discours de Hux, quoi. Oui, alors que ce passage, il est là pour confirmer oui, ce sont bien des nazis. Parce que bien les méchants. Le discours est typiquement fasciste. L'imagerie est encore plus violente que dans tout le reste. Enfin, c'est à ce moment-là que ça ressemble le plus, je trouve, à la représentation de l'Empire dans Star Wars. Visuellement, en tout cas, ou même dans le propos. Mais à part ça, tout le reste, c'est vachement évacué, quoi. Vous savez où elle n'est pas évacuée, par contre, la politique? Justement, dans celui qui fait le plus polémique. Ok, les transitions maintenant, vas-y, je t'en prie. Mais du coup, non, effectivement, je pense qu'on a assez attardé sur le set qui, finalement, comme on disait, assez creux. Mais justement, est-ce qu'il ne se veut pas à politique, finalement, ce film? Par contre, il y en a un qui ne voulait pas être à politique, ouais, c'est Rian Johnson. Bravo. Voilà. Jingle Rian Johnson. Allez-y. Vas-y, je t'ai. Mais non, l'épisode 8, pour le coup, je pense que le 9, on ira très vite, hein, ça devrait prendre 30 secondes. Mais le 8, finalement, c'est le plus politique de cette post-logie, de cette trilogie-là. Mais pas forcément, justement, là où on l'attendait dans le 7. C'est-à-dire que on va pas forcément caractériser davantage le Premier Ordre. Alors c'est pas la rébellion, c'est la résistance, pardon. Là c'est la résistance, excusez-moi. Oui. Toujours pas de révolutionnaire, hein. Résistance. Mais finalement, du coup, la politique dans cet épisode-là, elle est là, mais elle est ailleurs. Oui, Ximnut ? Moi, le 8, je le place un peu en opposition au 1. Ou peut-être éventuellement même à la trilogie, la prélogie. Dans le sens où la prélogie fait de la politique, la politique institutionnelle. Tu vas aller dans le Sénat, tu vas avoir des débats, des trucs. Vraiment, c'est de la politique au sens large, où les gens l'entendent, mais où finalement, il y en a quand même un petit peu, mais ça reste, on va pas vraiment creuser trop trop profond. Alors que dans le 8... on a des gens qui discutent, on essaie d'aller au fond des choses, on essaie vraiment de poser des questions, mais justement, c'est plus subtil, en fait. Et finalement, c'est peut-être ce qui a dérouté certaines personnes qui ne s'attendaient pas à voir un message comme ça dans un contexte, dans la manière dont c'était proposé. Et c'est d'autant plus efficace, je trouve, que c'est fait de manière avec... je ne vais pas dire métaphorique, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, je veux dire, il y a des moments où ils disent les choses telles qu'elles sont, mais c'est fait de manière plus subtile, c'est ça, voilà. Et c'est vraiment, c'est un truc que j'adore, justement, quand une œuvre arrive à te raconter une histoire et utiliser cette histoire comme support pour te parler des choses, des thèmes importants. C'est ce que j'aime beaucoup dans le 8 personnellement. Ouais. On parlait tout à l'heure du fait que les civils et tout sont complètement évacués de la vision de la politique et de la galaxie en général, et le 8, je trouve, remet assez bien justement un peu la vision sur les civils, quoi. Oui, clairement. Enfin. Ne serait-ce qu'avec Rose dans un premier temps, qui est juste mécanicienne, hein, finalement. La partie quand on bite, ouais. Et toute la partie quand on bite avec les enfants, le travail des enfants même, littéralement. Hein, on peut... Ouais. Il y a plein de choses à ce propos dans le 8. On peut commencer par quoi, justement, par cet aspect-là, Benjamin, peut-être. Benjamin, je parle. Non, je suis en train de demander, mais... Je sais qu'il attend d'en parler depuis le début, mais lâchez les vannes. Non. Mais en fait, ouais, c'est vrai qu'en fait, j'aurais pas un point précis, parce qu'il y a les trucs évidents, mais... effectivement, les trucs comme tu dis qui sont assez explicites, genre le truc sur les profiteurs de guerre. En fait, on revoit enfin de l'économie dans celui-là. Donc, avec ça, après, en plus, le pire, c'est que je veux pas le défendre pour rien, parce que c'est justement la partie avec le casino. Moi, je trouve que c'est la plus pourrie du film et que c'est vraiment c'est très raté. Et Dieu sait que j'aime ce film, hein. Mais c'est vraiment ce que je préfère aussi des nouveaux. Et je trouve qu'il est, enfin, je pense sérieusement que c'est un film dont on parlera encore dans quelques dizaines d'années, ce qui sera pas le cas des deux autres de la post-logie, quoi. Mais bon, même cet aspect-là, il est intéressant, il est politique, même s'il est dans un moment le plus pourri. Et moi, ce que je trouve vraiment ouf, c'est que ça va avec une logique générale dans le film, qui est de tout le temps, en fait, montrer qu'il a complètement compris plein de traits de Star Wars, mais aussi de cinéma en général, et des valeurs que ça porte et tout, et de toujours il sait les faire, mais il sait aussi montrer ce qui va pas. C'est-à-dire, un exemple tout bête, c'est dès le début du film, le fait de dire vos trucs de « je vais me sacrifier » en mode « je suis un ouf de l'aviation militaire et je vais faire des trucs complètement suicidaires tout le temps ». Qui est un délire complètement fasciste de base, hein, l'idée du héros qui se sacrifie. Ah ouais, carrément. Mais qui a un truc, en fait... La mort héroïque, c'est un truc... Pardon. Oui. Ah ouais. Bah, non, mais oui, t'as raison. Et puis t'as un truc, en fait, c'est un truc qui fonctionne énormément cinématographiquement, notamment dans du cinéma américain un peu où tout est héroïsé à fond. Et en fait, direct, t'as Poe qui se fait engueuler en mode, mais mec, tu mets des autres en danger et tu fais n'importe quoi, en fait, fais pas ça. Et en fait, il fait ça constamment dans le film, et ça, c'est politique, en fait. En fait, il renie jamais ce que... Il se met pas en position de petit con en disant « Ah, ben, je vais vous montrer tout ce qui était con dans Star Wars. » Il reprend tout ce qui était bien et tout ce qui lui a plu, je pense, lui aussi. Mais il va dire « Mais comment on dépasse les contradictions, en fait, de ces trucs-là » Le plus fort, je trouve, c'est... Parce que c'est lié à ce que je disais tout à l'heure aussi sur Luke. C'est ce truc de... Quand Luke arrive et dit « Mais en fait, c'est de la merde, les Jedi, parce que la Force, on est d'accord, c'est censé être un truc qui est partout. » Et qui est à tout le monde, qui nous lit tous, et ça serait une caste qui devrait utiliser ce truc-là. Alors, il parle pas des médicloriens, mais pareil, du coup, taquer pour les médicloriens, quoi. Et en fait, c'est génial, parce que c'est vrai, en fait, tout simplement. C'est que il soulève une contradiction qui est au cœur de Star Wars, en fait. Il fait ça constamment, et ça, c'est une forme de philosophie politique, en fait, sa façon de faire. C'est-à-dire qu'effectivement, au-delà des trucs très évidents, genre les profiteurs de guerre... Qui est d'ailleurs un sujet qui n'était pas abordé jusqu'à présent dans Star Wars. Hein. Oui, carrément. Et qui pour le coup, est un truc assez évident, et avec des gros sabots. Enfin, on voit de quoi ils parlent, Ouais, c'est obvious, mais je trouve ça intéressant, même à notre époque, de faire un passage sur les ultra-riches qui se la donnent alors que la galaxie est à feu et à sang, quoi. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il fait aussi il va à un niveau politique qui est plus fondamental et qui est plus un niveau de philosophie politique et qui est justement pas forcément des histoires de un peu House of Cards comme dans la prélogie, ce qui était super cool aussi. Mais il va aussi sur il te donne quasiment une autre façon de penser. Il reconfigure complètement ta façon de penser. C'est ça. C'est pour ça que c'est une claque quand tu ressors, parce qu'il te retourne. Et ce qui fait aussi que ça a énervé des gens, je pense. Oui, c'est aussi pour ça qu'il a polarisé à fond. Je repense à une chose, on parlait du sacrifice au début, enfin, de l'intention de sacrifice au début, qui était franchement inutile, et finalement, on en a quand même un sacrifice héroïque, pas après, mais qui lui est tout à fait justifié ou justifiable, en tout cas, et qui a du sens, quoi. Oui, Tuki ? Oui, je voulais parler de Canto Bite. Oui, tu peux. Mais on va pas laisser... je voulais dire, y a un des trucs que les gens oublient aussi, c'est que Star Wars, à la base, Lucas, il le pensait comme un conte de fées, comme un truc familial pour les enfants, etc. Et lui, ce qui lui fait le plus plaisir, c'est quand les enfants adorent. Et Canto Bite, typiquement, c'est bourré d'humour. C'est là aussi où t'as les messages, comme tu disais, les plus explicites et appuyés par rapport à la guerre et tout. Et c'est un passage qui est à fond pour les enfants, en fait. La course-poursuite ado de Dada, bébé 8 qui fait... qui arrête pas de bolosser les autres avec et qui est un running gag avec ses pièces et tout. C'est un passage qui plaît énormément aux enfants. C'est un passage qui allège aussi pour les plus jeunes publics qui regardent le film, parce que le film, il y a pas mal de trucs assez sombres, quoi. Je veux dire, ils se font miner la face, la résistance, il y a beaucoup de désespoir, beaucoup de thèmes comme ça, de deuil, etc. Et c'est un passage qui aborde des thèmes qui étaient ultra importants d'aborder explicitement, je pense. Surtout, un truc qui parle qui a littéralement le mot guerre dans son nom, et tout en amenant de la légèreté et je sais pas, un peu de rythme et de fun. Moi, j'ai absolument aucun problème. Maintenant que tu le dis, en fait, ce passage-là me fait beaucoup penser à la prélogie, en réalité. Il est accessible, il y a des thématiques, il y a des propos, mais c'est accessible également aux plus jeunes. Oui, Adrien ? Ouais, juste par rapport justement aux références entre l'histoire, comme vous disiez tout à l'heure, et l'épisode 8, hein, qui est au demeurant le meilleur film de toute la franchise, voilà, je l'ai dit. Et l'un des meilleurs films des années 2010, même, je le dis de. Te faire défoncer par le de plus belle. Ah, mais je m'en fous, ouais. Je maintiens que les personnes qui n'aiment pas ce film sont pour la plupart de gros droitards. Ah, mais je saute dans la marbre. J'en ai rien à foutre. On a perdu 20 viewers déjà. Je m'en fous, mais non, il faut le dire. Non, mais le vrai truc, c'est que dans ce film, par rapport justement à la scène de Cantobite dont tu viens de parler justement, Tuki, il faut pas oublier la bague de résistance que Rose montre, qui est un vrai truc. Cool, moi je la voudrais. Mais c'est un vrai truc de la Seconde Guerre mondiale où les résistants en France avaient une bague et pas qu'en France, en Europe d'ailleurs. Et justement, montrer la bague et en fait, c'était un symbole de rébellion, de résistance par rapport. C'est documenté, ça ? Oui, non, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Et je sais plus comment elle s'appelle cette bague. Peut-être dans le chat, on va pouvoir me dire. Mais donc voilà, c'est un film qui référence l'histoire de c'est un film qui référence l'histoire avec un grand H, mais aussi l'histoire de Star Wars, l'histoire du cinéma, l'histoire de la société, l'histoire des totalitarismes, plein de trucs. C'est un film qui est fantastique, voilà. J'arrête, pardon, je m'arrête là parce que sinon on n'est pas touché. Il y a quelqu'un dans le chat aussi qui disait que Cantobite, c'est ultra important pour le développement de Finn, et c'est totalement vrai, parce que oui. C'est là où c'est littéralement le gars qui a, tu sais, le petit ange sur une épaule et le petit diable sur l'autre. D'un côté, t'as Rose qui, elle, lui, Finn, il a tout le temps vécu au sein du Premier Ordre, en tant que, il a été kidnappé et puis élevé au sein de ce truc, donc il sait pas vraiment comment est la vie dehors, techniquement. Il a juste vu le côté qu'on lui a appris et puis il a vu que c'était de la merde. Et alors que elle a été à fond sur dedans depuis toujours, et donc elle lui montre aussi ces aspects-là et ce qu'il n'a pas pu découvrir lui par lui-même. Et de l'autre côté, t'as DJ qui, lui, est typiquement le mec « Oh, ben non, moi, je suis ni de gauche ni de droite, mais ça m'arrange bien quand on peut se faire un peu de blé sur le dos des autres. » Et puis, généralement, c'est plutôt à droite. Et du coup, il a tout ce truc-là, parce que Finn, il est encore à ce moment où, lui, il s'accroche beaucoup à Rey, parce que c'est la première personne qui lui a montré, qui s'est intéressé à lui en tant qu'humain. Bon, il y avait Po aussi, mais Rey avait un truc encore plus fort. Et du coup, il voulait pas prendre part à ce truc parce qu'il sait pas où est sa place, enfin, etc. Et du coup, oui, effectivement, il a ce côté... il doit faire un choix. Et est-ce qu'il va faire comme DJ et être moi je suis juste pour moi et puis je suis opportuniste, ou est-ce qu'il va rejoindre une plus grande cause ? C'est vrai que depuis le début du film, il fuit. Il essaie de se barrer, et là il est confronté aux choses. Est-ce que je m'enfuis, est-ce que j'y vais, enfin, il y a tout ça aussi. Oui, Grushkov ? Oui, je voulais dire un truc qui est dont on parle pas souvent par rapport au film, c'est que une des grosses critiques des gens, c'est que ils perdent à la fin, les gens. Ils gagnent pas tout le film, ils font que de perdre, ils se font laminer tout du long, et à la fin, il y en a même qui veulent que Finn il se sacrifie, alors que le film il te dit que ça servira à rien. Parce que tellement les gens sont habitués à ce que dans les blockbusters, c'est quand même les gentils qui gagnent à la fin. Mais comment on peut gagner des fois? C'est juste de reprendre des forces quand on est face à un ennemi indestructible, qui a l'air indestructible, reprendre des forces et en gros live to fight another day. C'est littéralement ça. Des fois tu vas t'en prendre plein la tronche, mais ça veut pas dire que la lutte elle s'arrête là, mais ça veut pas non plus dire que il faut te tuer à la tâche tout de suite, parce que des fois la meilleure chose à faire c'est de protéger les autres, en fait. De protéger toi et toutes les personnes qui veulent se battre pour la liberté aussi, et plutôt que d'aller te sacrifier pour rien. Bien sûr. Puis c'est oublié aussi, enfin simplement le fait que narrativement le deuxième épisode c'est toujours celui de la débâcle, enfin de l'échec, pour que derrière il y ait une ça, on puisse se relever quoi. Wexinut. Un truc commun aussi qu'on a entendu parler, un truc que les gens ont souvent reproché aux 8 aussi, c'est le traitement de Luke, qui reconnaissait pas le Luke qu'ils avaient appris à, enfin. Qu'ils avaient fantasmé. Voilà, c'est exactement ça. Ils reconnaissent pas le Luke. Ils disent ça en disant c'est pas le Luke de la prélogie, mais en fait c'est le Luke qu'ils ont imaginé après la prélogie. Alors que le type a jamais aussi bien compris à quoi ça servait la Force. Il s'est enfin dépareillé de tout le clinquant des Jedi justement pour se concentrer sur ok c'est quoi. Ce champ qui traverse toute la galaxie, à quoi ça sert? Et voilà. Et puis aussi, il y a aussi des choix artistiques qui avaient été faits là-dessus. Mais je trouve que ces choix artistiques, évidemment, ça lui donne une personnalité différente des films précédents. Mais ça montre aussi que le personnage a changé, n'est plus le même que celui qu'on avait appris à découvrir pendant la trilogie originale. Et c'est aussi un truc. Certaines personnes n'ont pas apprécié le changement et s'étaient attachées à une certaine vision qui des fois était juste la leur, en fait ils voyaient que ce qu'ils voulaient voir, et c'est un truc qu'il y a dans l'8. Ça rejoint ce que je voulais dire au tout début, que j'ai dit un peu maladroitement, sur le fait d'avoir des trucs qui étaient vraiment d'avoir une situation de base qui était naze et de vouloir la changer, de pas juste de dire bah écoutez on a toujours fait comme ça, on va continuer même si c'est pas terrible. C'est vraiment un film qui révolutionne la saga, qui la secoue sur ses bases, qui dit attends regarde ce que t'es devenu, t'as oublié complètement pourquoi t'as été créé au début, et ça m'étonne pas justement que ça ait créé un clivage justement sur des histoires d'orientation politique entre ceux qui les ont pas appréciés et ceux qui étaient vraiment super emballés par ce que le film avait à proposer. Bah, ça se bat déjà dans le chat, hein. je peux te dire. Je vois ça se bat déjà depuis tout à l'heure. Ouais, depuis qu'on a dit épisode 8, ça se bat. oui, Benjamin. Non, mais c'est vraiment, je trouve ça super cool d'entendre des gens, surtout des gens qui connaissent très bien Star Wars, qui défendent le film. C'est vraiment intéressant parce que c'est un... Enfin, entendre des passionnés de Star Wars parler de ce film, et en l'ayant aimé, même si bon, je comprends qu'on ne l'aime pas, c'est pas la question, mais c'est vrai, mais il y a des critiques des fois qui sont faites, qui sont des critiques de gardiens du temple, qui sont assez illégitimes, parce que justement j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait aussi légitimes à être des gros nerds de Star Wars et qui trouvent que c'est très intéressant. Et ce que je trouve, et en fait je trouve que ça va bien au film, enfin, tout de suite vous partez en fait, vous avez tellement de choses à dire, alors que j'imagine que vous en avez déjà parlé plein de fois, parce que et c'est oui. Un film qui t'apprend à critiquer ce que t'aimes. Et moi c'est un truc que je trouve... vraiment mais brillantissime, et en fait je vois pas, même j'irai un petit peu plus loin là-dessus, c'est que parce que c'est pour moi c'est un problème politique aussi, mais parce que j'ai mon biais de, je vois beaucoup le, parce que c'est mon taf, hein, de voir l'aspect culturel en fait des choses, ouais. Pas pour faire du Gramsci de bas étage, mais j'ai un peu ce biais là et en fait c'est un film qui quoi qu'on en dise apporte dans un paysage culturel quelque chose qui est vraiment nécessaire, et parce que là on est en train de boucler, en fait culturellement on est en train de boucler sur justement ce truc de on va reprendre nos gloires des années 80, on repasse en boucle les mêmes trucs, il n'y a plus de contre-culture, il n'y a plus de culture alternative, et en fait en plus de ces œuvres là qui sont des œuvres merveilleuses, on ne retient plus qu'une esthétique, en fait, c'est-à-dire que c'est les Memberberries dans South Park, quoi. C'est un truc qui est vraiment un problème, parce que culturellement ça veut dire qu'on n'arrive plus à rien interroger, qu'on n'arrive plus à rien créer. C'est aussi lié au fait qu'on a des productions culturelles qui sont hyper monopolistiques et qui du coup sont complètement drivées par le marché, au point de justement mais d'ailleurs ça vaut dans les deux sens, hein. C'est-à-dire que c'est autant le marché qui fait qu'on n'arrive plus, enfin le poids de ce marché sur ces films-là, qu'on n'arrive plus à avoir des choses nouvelles, parce que justement on joue la sécurité, on va ressortir les vieilles gloires. C'est le poids du marché qui fait qu'on va pas prendre de risques et qu'on va essayer de fâcher personne. Et c'est d'ailleurs aussi le poids du marché qui fait que on va mettre de la diversité aussi, ça c'est vrai. C'est-à-dire que, évidemment, je souscris pas au discours qui dit que Disney, ils ont cédé à la aux gens de Twitter et ils ont gâché Star Wars en mettant des femmes. Évidemment, c'est pas ça, mais c'est effectivement un effet de marché qui est que les gens ils ont évolué aussi et maintenant ils ont des exigences sur ces points-là, donc Disney est plus ou moins obligé de céder aussi sur ces trucs-là, mais c'est pas céder à une foule, c'est purement une exigence de marché qui est il faut suivre le courant un petit peu. Et bon, bref, il y a que ça, et c'est très compliqué parce que du coup on a des films très dépolitisés qui veulent fâcher personne, qui proposent plus grand-chose, et The Last Jedi, il faisait autre chose, quoi. Il faisait un truc, et je pense que ça, je sais qu'il y a des gens qui détestent ce film, mais je demande vraiment sérieusement aux gens, et je veux pas traiter forcément les gens de droitard de pas aimer. Ah, moi je vois qu'un chien, hein, je suis désolé. C'est un mécanisme de défense. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, quelles que soient les opinions politiques des gens qui aiment les films, et quel que soit leur avis cinématographique sur le film, j'aimerais bien que les gens l'admettent, en fait, ça, à un moment donné. Parce que je veux bien rentrer dans les débats sur ouais, c'est contradictoire avec des trucs ou des machins. Ce que représente le film culturellement, et c'est pour ça que je dis que c'est un film dont on parlera encore dans 20 ans, ce qui n'est pas le cas forcément des autres, c'est parce que c'est forcé d'admettre qu'il propose quelque chose que non seulement la nouvelle saga Star Wars et le 7 ne proposaient pas, peut-être un peu Rogue One par certains aspects, mais quand même très très en dessous, enfin avec beaucoup moins d'ambition, et c'est surtout quelque chose que le cinéma. Ne propose plus. Et que la pop culture ne propose plus. Je rebouclerai sur le Star Wars du début. C'est un film indépendant qui naît des contre-cultures des années 70, de la science-fiction, de la fantasy, des mouvements contestataires. Et c'est devenu c'est devenu vraiment ce truc hyper plat qui propose plus rien. Et là, c'est quelque chose c'était un film qui a proposé autre chose. Et en ce sens, je trouve qu'il est plus fidèle à l'esprit d'origine que des trucs tout plats, ou même le 9 qui est vraiment le... Enfin, il n'y a rien à dire politiquement sur le 9, à part en tant qu'objet, c'est-à-dire que... Parce qu'il n'y a rien dedans, c'est-à-dire que c'est un accident industriel extraordinaire. Oui. Et ça, c'est pareil, c'est objectif, je suis désolé, c'est pas un point de vue, c'est pas une opinion cinématographique, c'est-à-dire que quand tu fais un film, quand tu rétro-pédales toute une saga pour produire un tel truc en 2 ans, que quand tu commences le tournage, tu sais même pas que tu vas foutre Palpatine dedans et que ça va être le méchant, je suis désolé, c'est indéfendable. Ce n'est pas comme ça qu'on fait des films. J'ai envie de pleurer. C'est vraiment de la merde. Et en fait, quelque part, il y a un truc aussi qui est... Moi, franchement, quand je suis sorti du 9, j'étais avec un pote qui est justement très très fan de Star Wars, et je rigolais un peu parce que j'étais là, genre... C'était tellement... en fait, je ne voyais que l'accident industriel, en fait. Je ne voyais pas le film, en fait. Et bon, donc mon pote était consterné. Et j'étais là, en fait, il y avait un côté... Quelque part, le 9, c'est le film que méritaient les gens qui ont harcelé les gens qui ont fait le 8. Ouais. En fait. Ouais. D'ailleurs, ils n'en sont pas contents non plus. Hein. Et non, mais non, je sais. Et c'est pour ça que je dis que c'est mérite, dans le sens où, en fait, on peut penser on peut trouver que le 8 était pas bon, et on peut le dire. En revanche, qu'il y ait eu un tel backlash, mais au sens vraiment réaction, presque réactionnaire au sens strict, c'est-à-dire un rejet aussi violent, fait que et exiger autant des studios, enfin aller jusqu'à exiger de le refaire, enfin des trucs mais lunaires comme ça, et ben ça donne le 9, c'est tout. Et ça veut dire quelque chose du point de vue de l'industrie et de l'état de la culture, en fait, de la pop culture et de la culture mondialisée, puisque c'est ce qu'elle est maintenant, quoi. Voilà, j'ai fini mon merci de ce TEDx sur voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur le 9. Je crois qu'on aura fait le tour du 9, c'est bien. Il y a des trucs à dire sur le 9, parce que sans faire exprès, justement, en voulant faire plaisir à ça, il y a plein de problèmes. Vas-y, finaliste, quelque chose. Ouais, moi je voulais revenir sur le 8, en fait, sur le développement des personnages, parce que il y a un truc qui, je trouve, qui a aussi du sens politiquement, c'est le fait que pendant toute la saga, on te met complètement sous le nez le fait que, genre, si ta famille fait un truc, tu vas faire pareil. Oui. Que il y a vraiment, les gens ils restent dans leur truc comme ça pendant toute leur vie, et que... Les chiens ne font pas des chats. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, le fait que Rey ne vienne de nulle part, et qu'elle pouvait vraiment être quelqu'un, Oui, ça c'était super intéressant. Il n'y avait pas la notion d'élu là. Voilà, c'est ça, c'est quelque chose qui était que je trouvais vraiment génial. Et, bon, bah, qui a été foutu en l'air après quoi. Mais... Ouais, mais c'était fort, ouais, hein, bah, ça a résonné chez tout le monde, je pense. Hein. J'avais vu des gens justement dire. Rian Johnson, c'est quelqu'un qui a travaillé à fond pour sa passion pour arriver là où il en est. Et du coup, ouais, il avait forcément cette idée de là d'où tu viens, définis pas ce que tu peux devenir. Et forcément, t'as en face Abrams qui, lui, ça a été le, comment s'appelle, l'apprenti de Spielberg. Il vient du milieu déjà, d'un truc riche et tout. Donc, fils de producteur. Et tout. Voilà, donc forcément, lui, il allait. Son idée, c'était ah bah si, la lignée, tu vois, l'héritage. Le sang. Ouais. Le sang est important. Stephen, j'ai perdu tout le monde, pardon. Vous avez vu À couteau tiré de Rian Johnson? Alors, oui, bien sûr, ils l'ont tous vu. Quelle question! Alors, moi, je le garde sous le coude, faut pas me spoiler, je le garde sous le coude pour des enquêtes de digestion. J'ai vu en avant-première. J'ai vu le 9 et à couteau tiré la même semaine, je crois. Ça a dû faire fou. C'est émotionnel. J'étais trop content. Parce que j'étais là, genre, allez, voilà, prenez votre truc de merde là. Voilà, vous êtes content, ils ont rétro-pédalé sur tous les trucs. Vous êtes bien content. Et ouais, Rian Johnson, de son côté, il fait des bons films. Quoi. C'est ça. Qui a mieux marché, hein, proportionnellement, en termes d'argent reçu, par rapport à ce qu'il a coûté, à couteau tiré, a mieux marché que le dernier épisode de la plus grande saga cinématographique. Grushkov, toujours sur le 8? Plus sur le 9, justement, pour revenir sur le côté catastrophe industrielle. Ce qui est assez incroyable, c'est que il y a plein de gens qui reprochent, qui disent le 8, il prend les trucs qu'il aime pas du 7 et il les jette, tout ça. Et le truc, c'est qu'il en fait pas rien déjà, des trucs qui partent. Genre, si on parle de Snoke, déjà il puait la merde dans le 7. Snoke, tout le monde pour reparler du 8 et de Snoke, justement, ce qui est intéressant, c'est que le film est certes politique, mais il est quand même pas parvenu à politiser Snoke, mais du coup il reste au service des personnages. Enfin, de ouais, voilà, c'est ça. Voilà, il sert à quelque chose dans la narration. Dans le 9, qu'est-ce que c'est Snoke? C'est un putain de cornichon. Parce que les mecs, ils chouinaient pour avoir une backstory. Les mecs d'Altride de mes deux qui servent à rien, qui comprennent rien à l'esprit. C'est un film fait en réaction, donc ils ont réagi à telle critique, et après, avec tout ça, il faut faire un film. Forcément, ça peut pas donner quelque chose de formidable, quoi. En plus, voilà, le 8, il a pris des éléments ouverts du 7, parce que c'était très ouvert, et il a donné une suite possible, parce que ben, quand t'écris un truc ouvert, t'as plein de possibilités ensuite. C'est pas parce que c'est pas ce à quoi t'as pensé ou tu t'attendais que ça veut dire que c'est un rejet, c'est juste une interprétation. Et il a sauvé les éléments qui étaient bancals. En revanche, le 9, il a jeté des éléments du 7. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs qui sont sortis par rapport au 7, hein, des comics sur peau, plein de trucs, même directement dans le film, que le 9 fout en l'air. Le 9 a retconné les éléments du 7, quoi. Le 8 n'a pas fait ça. Le 8, il a juste donné son interprétation. Il s'est beaucoup centré sur les personnages, qui est un truc super intéressant aussi dans les films, pour une fois, d'avoir vraiment... Chaque personnage a le droit à son développement, son arc, sa propre personnalité, hein, c'est pas juste des archétypes. Et il en a fait quelque chose d'intéressant. Après, ça plaît pas, bah, c'est votre problème, hein, je m'en fous. Mais le 9 est creux sur tous les aspects, et en plus contredit tout le reste. Mmh. Mais et du coup politiquement, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont jeté Rose à la poubelle. Et vous n'allez pas dire que ça c'est pas immonde. Du 9, ouais. Oui, j'ai essayé de partir sur le 9. Je sais bien, mais t'es revenu sur le 8. Moi, je relance. Je te redis, là, on repart sur le 9. Ça ira vite sur le 9, hein, j'imagine. Avec un peu de chance, on pourra peut-être parler après des spin-offs rapidement. Mais voilà, le 9, oui, t'avais quelques petites choses effectivement que t'avais notées, ouais. Notamment Rose qui passe complètement à la trappe. Oui, c'est juste immonde. Donc les rares trucs politiques dans le film, c'est des trucs externes à la narration du film. C'est vraiment juste dans la façon dont ils l'ont fait. Et au final, ça se ressent. Genre, T'as Rose qui disparaît complètement parce que parce que c'est une femme et parce que elle est pas blanche. Mais on a aussi on a aussi Rey qui devient fille d'eux, hein, parce que peut pas exister sans un homme aussi. C'est quoi déjà ça? C'est le eugénisme. Voilà, bienvenue dans Star Wars, la nouvelle saga qui est vraiment devenue complètement eugéniste maintenant. Voilà, comme quelqu'un dit, Ben Shapiro, il a dit par rapport au 9, excuse acceptée. Genre, super. Est-ce que vous voulez aimer le même film que Ben Shapiro? On pose la question. Benjamin. Il a détesté l'épisode 8, hein, comme quoi tout à l'heure, j'avais pas totalement tort. Hein. Ah oui. Ben Shapiro, j'ai très hâte de voir ça. Je pense que ça va vraiment être mon hate watch. Avec Gina Carano justement. Oui, incroyable. Oui. Incroyable. Formidable. On garde un œil, hein, t'inquiète pas. non, c'est pas ça que je voulais dire. C'était... Oui, non, c'est juste un petit truc. C'est le fait d'avoir abandonné des trucs du 7 dans le 8. Non seulement, ça se fait. Mais en plus, c'est quand même différent de virer Rose en mode ouais, en fait, elle n'existe plus. On regarde ailleurs. Elle est plus à la piscine. À la piscine. Et en fait, Snoke, qui est. Après, on peut contester le choix, mais il y a un intérêt narratif au fait de le dégager. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu un côté. En fait, c'est un film qui joue sur les attentes aussi. Et qui est hyper malin sur ces trucs-là, c'est-à-dire qu'il va tout le temps essayer de faire un pas de côté. À couteau tiré, le fait vachement aussi. Enfin, Johnson, il est hyper bon pour ça. C'est-à-dire que quand Snoke, il se fait casser la gueule, c'est hyper surprenant. Et surtout, et c'est pas satisfaisant. C'est-à-dire que tu t'es là, genre, on t'a pas expliqué qui c'était, etc. Mais en fait, c'est une vraie surprise. Ça donne une scène assez cool en plus. Et c'est une scène où il se passe quelque chose. Il y a des enjeux. C'est-à-dire qu'il se passe un truc entre Rey et Kylo. Qui est super intéressant. Et en fait, du coup, Snoke n'est qu'un instrument narratif. Et en fait, moi, je m'attendais. Et j'ai trouvé ça génial. Moi, j'étais mort de rire. J'étais en mode, c'est trop bien. Et c'est pas juste. Je sais pas si c'est juste qu'ils ont viré Snoke parce que c'était pourri. C'est qu'il y a un côté. Le fait d'en faire le nouveau giga méchant et de le tèche comme ça, c'est hyper. En plus, c'est logique dans le moment où quand ça se passe dans la scène. C'est quelque chose, tu te dis, bah oui, pourquoi pas. En fait, c'est tout à fait quelque chose qui pourrait se produire. Et ça, il le fait vachement bien, je trouve. Et comme le truc de la prophétie autour de Rey, que je trouvais déjà lourdingue dans le set, dire, mais en fait, on s'en bat les couilles, la prophétie. Et c'est intéressant, pas juste pour virer le truc, c'est intéressant parce que ça te dit déjà un truc. Voilà, ça te dit des trucs. Qui est que t'es pas obligé d'être la petite fille de Palpatine, je sais pas quoi, là. On s'en fout. Et surtout, ça dit au spectateur, en vrai, qu'est-ce que ça peut te faire, en fait. Vraiment, genre, est-ce que t'as besoin que ce soit l'élu un truc comme ça. Et en fait, ça dit quelque chose au spectateur. Et ça dit, mais on s'en tape de ça. C'est pas important, c'est quand même vrai, quoi. Et c'est une meuf, tu l'as vue, elle vient de Tatooine, elle a fait ça, tu l'as suivie, et elle a pas besoin d'être la fille d'eux, la petite fille d'eux. Et ça, je trouve ça trop bien. Et c'est pas du tout la démarche du neuf, qui est juste l'enquête satisfaction de. ah ouais, ok, lui. Elle dégage, lui il est pas gay, il fait ça, lui on va le mettre plus en avant, il y a Palpatine, vous voulez autre chose, un Big Mac avec c'est vraiment le truc d'enquête commerciale pourri, voilà. Voilà, c'est ça. Pour le coup, en plus, c'est mon moment, la novélisation de The Last Jedi, c'est vraiment un petit bijou, quoi. Et elle en parle à chaque épisode, hein. Cherche pas, Benjamin, c'est... Si vous avez aimé le film, si vous l'avez compris, la novélisation, elle est vraiment, vraiment excellente parce qu'elle prend le point de vue interne de quasiment chaque personnage. T'as même un passage où c'est les pensées de Akbar, tu vois. Et t'apprends plein de trucs, ça développe plein de trucs, et ça développe vachement aussi la force. Et la façon dont la force est perçue. Et tu as les pensées de Snoke juste avant qu'il se fasse trahir et tuer. Et c'est vraiment excellent à lire. Et en plus, voilà, le mec, il est mort à cause de son orgueil. Allez, tiens. Mais voilà, juste un petit aparté. moi, c'était pour rebondir à propos justement de ce que tu disais, Benjamin, sur le style de Rian Johnson avec les pas de côté. C'est vraiment le réalisateur de la surprise. Là où c'est drôle, parce que tu vois beaucoup de gens parler au début des années 2000 de Shyamalan et de ses twists. Bah, Rian Johnson, lui, c'est pas des twists de fin qu'il fait, c'est des twists de genre. Et c'est ça où c'est assez impressionnant, c'est qu'il te prend un genre, il te prend une franchise, il te retourne tout, il te la secoue très fort, avec beaucoup d'amour, hein, mais il te la secoue très fort, et il t'en sort un bijou à chaque fois, quoi. C'est-à-dire, son premier long métrage, Brick, c'est un thriller qui est un thriller avec des thèmes genre qui paraissent graves au premier abord, mais qui se passe dans un campus, tu vois. Et c'est vraiment. Brick, pas Frick. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et, mais j'ai dit Brick. Ah, pardon. J'ai oui, entendu. Il a juste un accent de Nelson Maistrong. Et du coup, genre, vraiment, c'est un incroyable. Voilà, Looper, c'est pareil. C'est un film qui te tord tout dans tous les sens. Ça marche trop bien. Et donc, voilà, c'était juste moi qui parlais bien de Rian Johnson pendant quelques minutes. Voilà. Merci. On parlait de politique à la base. Je dois vous recadrer. Ouais, ouais, ouais, ouais. On repart sur le 9. On va en finir avec ce truc, hein, faut qu'on passe à autre chose. On a mis du temps, on y est parvenu, nous. C'est l'autre point qui aurait pu être intéressant d'un point de vue politique et qui ne l'est pas, c'est Hux. Hux, c'est un immense gâchis, ce personnage. Donc, ça aurait été hyper intéressant d'avoir ne serait-ce qu'un conflit interne entre lui et Kylo. Il y avait quelque chose à proposer de ce côté-là. Là, on en est à un point où on ne comprend même plus la hiérarchie qu'il y a du côté du Premier Ordre. Oui, Hux qui passe de quasi suprême leader à en fait j'étais un traître depuis le début. Enfin non, c'est même pas ça. C'est si je peux pas être le suprême leader, et bah tant pis, je pourris tout. Alors que il est né dans le moule du Premier Ordre, ça a aucun sens. C'est littéralement. Également. Il a tué son père pour être là. Détruit quoi. Les 5 planètes. Hein. Son père est à la naissance du Premier Ordre. Le mec a donné l'ordre effectivement de détruire le système osnien dans l'épisode 7. Il est l'incarnation de ce Premier Ordre, bien plus que Kylo, qui est vraiment rapporté. Et justement, dans la vidéo de Lindsay Ellis, on voit que lui n'a pas d'idéologie. Il est là parce qu'il est en quête de repères, justement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de colère, qui a perdu des repères, qui cherche à quoi se raccrocher aussi. Mais autant Kylo n'a pas d'idéologie que Hux est plein d'idéologie, justement. C'est presque l'idéologue du Premier Ordre. Et c'est un immense gâchis d'en avoir rien fait, d'avoir fait même ça à la place. Hein. Oui, Grishkov. Non, mais justement, j'allais dire, c'est exactement ça. Hux, c'était pour, c'est l'incel total. C'est celui qui baigne 2 ans tout le temps, et l'autre, c'est celui qui se cherche. Il regarde un petit peu partout, et du coup, ça faisait une dynamique super intéressante que le mec qui est à la tête du truc, c'est le gars qui, au final, il en a rien à foutre. Il n'a rien à foutre, oui, c'est ça. Et ils n'en ont rien fait dans le film d'après. Si, il dit à Hux de ne pas détruire une planète. Voilà. Voilà, il dit à Hux de ne pas détruire une planète, et puis Hux, il se fait têche, et puis c'est tout. Et puis fallait ramener un vieux parce que fallait ramener absolument que le film se rapporte à tous les vieux. Ouais, j'aime beaucoup que Christophe Barbier soit le grand méchant du Premier Ordre, moi, personnellement. Je sais plus le nom de l'acteur, mais on dirait Christophe Barbier sans son écharpe. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous aviez d'autres choses sur l'épisode 9 avant qu'on passe à autre chose très vite? Non, merci. D'un point de vue politique, ça y est, j'ai assez mangé. D'un point de vue politique, c'est extrêmement réac hein, pour plein de choses, pareil, hein, par rapport à... Mais tout le film est réac, justement, comme on disait. Donc, oui, oui. Le truc par rapport à Poe. Par rapport à Poe, voilà, justement. Le drogue. Très raciste. Poe, voilà, le seul personnage important latino, le premier personnage important latino de toute la franchise, et ben, il se trouve que... personnage qui avait déjà, du coup, un background qui avait été créé pour le 7 et après le 7. Oui, voilà, c'est ça. À la trappe, Et là, on t'invente que c'est un dealer de drogue. Ok. Si c'est parce qu'il est latino. Et coureur de jupons, quoi, s'il te plaît. Bah, ouais. Et coureur de jupons, ouais, complètement. Il faut bien cocher tous les clichés. Mais non, mais c'était en hommage à l'épisode 1, vu qu'il y avait des clichés dedans, ils se sont dit, voilà, faut qu'on fasse pareil. Mais oui, voilà, le truc de Finn aussi, qui case avec la seule femme noire du cast, et puis en plus, il faut qu'on la lie au seul autre noir du cast qui est Lando, comme ça, hop, ça fait le trio. Oui. Les gens le savent peut-être pas, mais vous savez, la copine de Finn dans le 9, c'est à la base, quand ils l'ont écrite, c'était censé être la fille de Lando, et puis après, ils se sont dit, non, on va juste y faire allusion vite fait, et du coup, ça donne un truc moisi où la moitié des gens ont cru qu'ils essayaient de faire en sorte de dire que Lando et elle ils allaient Ken, donc bien joué les gars. La grande classe. Et Finn qui au final ne sert à rien. Enfin, il y avait plein de trucs qui étaient faciles politiquement dans le neuf. Et juste pour. C'est autant de la paresse que de la réaction, comme on disait. Enfin, c'est ça. C'est comme tu disais, Benjamin, c'est un vrai accident industriel. Il n'y a absolument rien qui va. Et du coup, il a su contenter personne, quoi. Il y avait tellement de matière à faire après le 8 pour faire le 9, ça aurait dû être le plus facile, comme les gens disaient dans le chat. Finn, il aurait pu faire une rébellion de Stormtrooper, je veux dire, il y a tout qui menait à ça. Il y avait énormément de trucs à faire avec, et ils ont claqué toutes les portes, et ils se sont dit non, on réécrit un truc, mais on regarde pas ce qu'il y avait avant. C'est presque plus une suite au 7 qu'au 8. Et c'est un rip. Oui, c'est un reboot même carrément. Enfin, c'est un blockbuster à la con dans l'univers de Star Wars, mais y a rien qui le lie à quoi que ce soit. C'est nul à chier. Bon, voilà. J'ai même plus les mots, c'est vraiment pourri. Allez, next. Qui veut qu'on parle des spin-offs? Oui. Alors, qui veut parler des spin-offs? Depuis le début dans le chat, ça. Ah, ça mais nous aussi, moi aussi, je vais rapidement parler des spin-offs. Pour finir avec cette postlogie, c'est qu'on a dit qu'on parlait des films, mais il faut parler de l'univers étendu. Il y a un bouquin qui est à lire si vous voulez au moins piger un peu ce qui se passe dans la postlogie et trouver un intérêt à la politique dans la postlogie. C'est Lien du sang, le roman Lien du sang de Claudia Gray, qui introduit le début de ce qui se passe dans l'épisode 7 dans la postlogie. On a un conflit entre les centristes d'une part dans la République, du coup la République, la Nouvelle République, qui sont pour un pouvoir plutôt fort, central, Coruscant, voilà, donc c'est assez de droite finalement, et ceux qui sont plutôt pour que les planètes elles-mêmes aient un peu leur indépendance, puissent décider plus localement des choses, avoir un certain contrôle sur leur destin aussi. Leia est rangée de ce côté-là, et on a autour de ces centristes des personnages, notamment un qui est un des personnage principal du bouquin, qui est clairement un proto-fasciste, un néo-nazi, enfin très proche de ce qu'on peut trouver même chez nous, enfin plutôt en Amérique je pense, du côté de la frange alt-right, avec des gens qui sont très, enfin à la fois qui vont avoir une fascination en fait pour l'extrême droite. Je perds mes mots, c'est compliqué à faire ci, mais comment truc. Ça, en gros, c'est le mec qui collectionne des trucs nazis. Voilà, il va collectionner. Voilà, exactement ça que je voulais dire. Il collectionne des casques de Stormtrooper, de pilotes, de TIE Fighters, ce type de choses. Donc, ça rapporte voilà, ceux qui collectionnent des casques nazis, des insignes, ce type de choses. Il est fasciné par tout ça. Mais vraiment, on a une idée. Ah non, c'est juste pour la culture, l'histoire, tu vois. Sauf qu'en fait, c'est vraiment un proto-réac, le mec, un proto-nazi. Et on voit comment ces gens-là ont fini par dériver, faire sécession et rejoindre plus ou moins ou progressivement ce premier ordre, créer ce premier ordre, participer à sa création. Et en parallèle, Leia qui, elle, met sur pied la résistance parce qu'elle voit que la République n'en a rien à foutre. Donc si quelque chose, si vous voulez avoir un minimum d'intérêt à la politique dans la postlogie, c'est pas avec les films, c'est avec ce bouquin-là. Voilà. Et du coup, on peut parler des spin-offs. Oui, il y a beaucoup de monde qui voulait parler de Rogue One et après ça reste. Personne parle de Solo dans le chat. On parlera de Solo. J'en ai rien à foutre. On parlera de Solo et on parlera pas de sa photographie. Elle est très bien. On voit très bien ce qui se passe. Non mais Rogue One. Ouais, Rogue One, c'est bon. Pourtant Solo. Même si, Solo est plus intéressant politiquement. Hein. Oui, clairement. Solo, il n'y a pas beaucoup de politique, mais la politique dedans est beaucoup plus dans ta face que, ouais. Que dans l'autre, et c'est rigolo. Je crois que tu avais remarqué des choses, Benjamin, sur Rogue One, justement. Non, je disais, j'en parlais juste tout à l'heure par rapport au fait que il avait un peu une démarche proche du 8 parfois dans le truc, de retourner un peu certains codes, de se poser des questions. Quel type de personnage sont dedans, comment ils retournent aussi certains trucs. Voilà, mais ça allait pas beaucoup plus. J'ai pas grand chose sur les. J'avoue que Solo, je me souviens plus trop. On fera un récap. mais Rogue One, pour le coup, je bouge, je suis désolé. À minuit, je me transforme en citrouille. Oui, y a pas de mal. Oui. On va tout finir vite. Rogue One, par contre, justement, si vous avez des idées, parce que moi, je vois pas. Enfin, pas énormément de politique, à part le passage où on a. Comment elle s'appelle d'ailleurs, aussi, hein, l'heure j'ai du mal, Jean, qui bouscule un peu la rébellion pour qu'elle agisse. Mais j'ai pas souvenir de moment plus politique que cela, à part que c'est un film de guerre, basiquement, qui ressemble à des films justement sur la guerre du Vietnam. Je sais pas s'il y a énormément de choses, Funeli, Tuki. Ouais, ben bah, en fait, genre, je trouve que l'aspect politique est assez basique parce que ça se contente un peu de te dire oui, regarde, en fait, la rébellion, c'est pas tout blanc. Mmh. C'est vrai, on a ouais. Voilà, l'espion rebelle, enfin l'aspect renseignement espionnage des rebelles qui est un peu plus vénère que le reste. On a Mon Mothma et Organa qui sont drapés dans leurs beaux idéaux et tout ça doit cohabiter. Et à ce côté-là, ouais. T'as aussi le truc de Galen Erso qui avec tout le truc de est-ce que je collabore ou est-ce que je fuis ou c'est vrai, ça quoi. Aussi. Qui choisit de collaborer parce que ça lui permet de foutre le défaut qui justement va leur permettre de péter le truc et qui se dit ben de toute façon il le ferait un moment ou l'autre sans moi oui. Alors autant que soit moi et que je puisse saboter leur truc quoi. Ça fait penser maintenant que tu le dis, ça me fait penser à ce document de la résistance, je sais plus comment c'est un document qui est adressé par les Anglais à la résistance française et qui expliquait, je sais pas si t'as dit quelque chose Benjamin, qui expliquait comment nuire à l'effort de guerre allemand, mais oui, sans oui, se oui. faire cramer et en faisant juste des conneries. Oui oui, en faisant des micro-sabotages de l'incompétence. C'est ça, ouais. Voilà, intervenir par la fin, voilà. Faire de la résistance par la compétence, en traînant les pieds, en faisant tomber du matos, en commandant pas les bonnes quantités, en cassant des trucs, juste foutre la merde, mais genre, ah bah non, je suis juste nul, vous voyez. Il y a un petit truc comme ça, ouais. Effectivement, maintenant que tu en parles. À la fin, il se fait pas tuer par l'Empire, mais il se fait tuer par les rebelles qui décident de bombarder tout le monde sans faire gaffe. Ouais. Et eux, c'est ceux qui sont considérés dans le film comme pas extrêmes, mais les mecs qui vont buter leurs potes, tu vois. Il y a des petits trucs. Oui. Oui, parce que ce qui est plus drôle, c'est qu'il y a encore plus d'extrêmes. On a So Guerrera, finalement, j'avais oublié. Ouais, ouais. Et ce qui est bien avec Rogue One, c'est aussi que ça montre plein d'aspects de la rébellion. T'as l'aspect administratif qui est genre non, nous on veut suivre les règles, on veut essayer d'avoir un poids politique, donc on essaye d'être clean. T'as le mec qui fait quasi du terrorisme, tu vois, qui lui il est à fond. De toute façon, si on leur fait pas tout péter, y a rien qui marchera. T'as tout plein de gens au milieu. T'as les gens qui sont super righteous justement et qui bombardent sans regarder, mais qui sont genre non, non, nous. Voilà, enfin, t'as plein d'aspects et c'est plutôt sympa parce que comme tu disais Funeli, c'est voilà, c'est tout est pas blanc, mais c'est quand même sympa de qu'il les ait poussés dans les extrêmes aussi. En tout cas, il y a un thème commun, je trouve, à Rogue One et Solo, c'est que autant justement on avait parlé surtout dans l'époque Lucas, on voit surtout des héros et des grands généraux général. Et là, on a plus des films qui vont parler un peu des petites mains de la rébellion, c'est vrai, ou au moins des... Ouais. Pas forcément la rébellion pour Solo, justement, parce qu'il s'en rend compte qu'après. Mais justement, de la réalité des prolos de la guerre, en fait. Voilà, que c'est bien beau de faire des plans tactiques, mais derrière, t'envoies des gens, quoi. Et des gens qui meurent pour de vrai. C'est vrai que Solo, il te montre pas des généraux, enfin, à part Radus à la fin, et c'est pas le principal, quoi. On est vraiment... comme je disais, ça reprend des codes du film du cinéma de guerre, notamment le film sur la guerre du Vietnam, mais voilà, on est au sol, on est sur le terrain, on est avec la caméra à l'épaule, et puis ça court dans le sable dans tous les sens, quoi. Enfin, on est vraiment avec les fantassins, quoi. Mais même Rogue One, parce qu'on voit bien là, quand je parle de Rogue One, pardon. Oui. Ah ouais, oui, bah autant l'un que l'autre, là, on le voit bien, autant oui. Dans l'Empire, il me semble que c'est dans l'Empire contre-attaque, on a Mon Mothma qui dit voilà, qu'il y a des gens qui sont morts pour obtenir les. Non, bah non, c'est. Autour du Jedi. voilà, oui, qui dit qu'il y a des plans qui sont morts pour récupérer les données. Donc là, c'est vraiment, c'est vague et tout. Et là, on a un autre cas de récupérer les plans, et là, ça touche concrètement des gens qui vont mourir. C'est intéressant que tu sois trompé de film. Je te laisse la parole juste après, Tuki. Mais effectivement, en fait, on a ce genre de scène dans l'Empire contre-attaque, avec la bataille de Hoth, mais finalement, comme on disait tout à l'heure, ils sont tous anonymisés. On a des mecs qui courent dans la neige et qui sont désingués, mais on n'en sait pas plus que là, et on a tous un nom sur eux. Enfin, on arrive à les caractériser, quoi. Oui, Tuki ? Oui, je pensais aussi, t'as peut-être aussi un peu ce message de tu peux avoir différentes raisons de rejoindre la rébellion et tu sais, se rassembler sous une même cause, et aussi de il est jamais trop tard, genre, parce que t'as Saul, lui, il est tellement parti à fond qu'il pas quasiment faire son truc de son côté. T'as Cassian qui, lui, a été enrôlé depuis son enfance par ses parents, par son... parce qu'il baignait dans le milieu. T'as Jean qui voulait, elle, qui a été un peu prise dans le truc et qui, du coup, l'a rejeté, puis finalement l'a rejoint. Et puis t'as Bodhi qui, lui, avait rien à voir du tout et qui s'est rendu compte que c'était la bonne chose à faire parce que ce qu'il y avait de l'autre côté, c'était affreux et qu'il pouvait pas laisser faire ça. Et qui aussi voulait se... espérer que du coup il puisse se faire pardonner de ce qu'il avait pu malheureusement apporter du côté des méchants. Oui, Grushkov. Moi, c'était aussi un truc politique, vraiment, juste pour, par rapport à, justement, Solo aussi, le fait, tant qu'on est dans la guerre, là, il y a la grosse bataille qui fait très guerre des tranchées. Au début du film, quand ils sont, quand il fait partie de l'armée, Han, et c'est marrant parce que c'est les gars, ils sont là, genre oui, bah il y a les The Hostiles. Je suis désolé, je l'ai jamais écouté, je l'ai écouté en français avec les enfants, mais je m'en souviens plus, qui sont positionnés là, là et là, et puis t'as lui qui dit, le truc c'est que c'est leur planète, c'est nous les hostiles ici. Sur Mimban. Voilà, c'est des petits trucs comme ça à chaque fois où t'as un début de réflexion, ça va pas plus loin, mais c'est là. Ouais. Pour Solo, il y a même, enfin, on peut aller plus loin, mais si tu me connais, je peux me rentrer si je parle de Solo. Mais avant ça, est-ce que Rogue One en a fait le tour justement? Je pense que oui. Hein. Si personne n'a rien d'autre Il est super complémentaire avec Last Jedi. Il fonctionne pas tout seul. Il fonctionne pas tout seul, Rogue One. Ouais. Mais Solo, lui, il fonctionne tout seul. Et on peut passer à Solo. Ah, c'est dans le titre. C'est dans le titre. Je crois que Benjamin avait un truc à dire. Non. Par contre, je vais devoir y aller à la limite. Mais sur Solo, je m'en souviens même plus. Donc, ouais, parce que pour ça, je pense qu'on va. On va s'arrêter là, je pense. Ouais. Non, mais de toute façon, Solo, il y a un train. Les trains, c'est de gauche. Donc, voilà. Non, mais alors, très très vite, Solo, effectivement, il y a tout le passage où il se fait enrôler dans l'armée qui est basiquement, effectivement, la Première Guerre mondiale avec des tranchées. Il y a de la boue partout. Les mecs, effectivement, t'as tout le passage. On a. Pour la première fois à l'écran aussi un commissaire impérial donc qui ramène effectivement au commissaire communiste qui désinguait les soldats qui voulaient pas aller au front, qui reculaient, notamment à la bataille de Stalingrad. T'avais des commissaires politiques dans l'armée qui flinguaient les mecs qui reculaient alors que Staline avait donné pour ordre d'avancer uniquement, pas un pas en arrière. Il y a ce côté-là aussi. Il y a tout le côté avec les réfugiés au début sur Corellia, dans le spatioport, où on voit des gens qui émigrent, qui quittent Corellia. Avec tout un système de frontières et de contrôle à la douane, si on peut dire, avant le départ de la planète. Où visiblement, pareil, il faut aussi corrompre les officiers impériaux sur place pour pouvoir se barrer et vivre une nouvelle vie ailleurs. Il y a pas mal de choses. Il y a aussi le fait que finalement, sous l'Empire, les truands se portent pas plus mal. Il y a toute la partie sur la rébellion j'ai oublié son nom, les Cloud Riders, voilà, c'est plus simple. Oui, voilà, pareil, j'adore ces personnages, mais je l'ai plus là, cette heure-ci. Mais voilà, les Cloud Riders. Oui. Enfys Nest, merci, voilà. Il y a aussi plein de choses à dire de ce côté-là, mais ouais, effectivement, on va peut-être s'arrêter un peu tard, mais Solo, il est plus riche qu'on le penserait de ce côté-là, parce que justement, il s'intéresse à des gens... du peuple, si on peut dire, quoi, en grande partie. Oui, c'est vrai que c'est un peu cette trame narrative au début, c'est de faire de Solo hein. C'est bon, je me souviens effectivement cet aspect là ouais. Il y a quand même ce truc de il y a un truc social au tout début, notamment dans les conditions de vie de Anne et tout, et c'est vrai qu'il y avait ce truc là, c'était pas mal ouais. Alors, c'est que... quasiment ça ressemble un peu au truc de Luke quand il est fermier et après il devient quelque chose. Oui, c'est vrai que on voyait bien le c'est vrai que c'est un des rares, j'y avais pas pensé, où on voit un peu comment ça se passe politiquement sur place, quoi. Comment c'est géré, l'autorité et tout. Ouais. Et on voit d'ailleurs que les truands sont potes avec l'Empire, parce que finalement, le mec qui poursuit Solo, il va directement parler au Stormtrooper pour essayer de le choper. Donc ils s'entendent finalement pas si mal. Sa soirée, dans son yacht de l'espace, là, il y a des officiers impériaux. Oui, alors que le mec, c'est le plus gros truand, un des plus gros truands avec les Hutts, je pense, à ce moment-là. Comme tu disais, Solo, c'est un orphelin qui a grandi, qui est littéralement, enfin, c'est un gamin voleur qui alimente une bande de truands derrière qui les exploite aussi littéralement. Enfin, il y a énormément de choses à dire sur Solo. Il est plus social qu'on pourrait le penser, je pense. Voilà. Oui, mais oui, c'est une belle conclusion, mon petit Matt. Oui, je referai un épisode de 6 heures dessus parce que j'adore ce film et sa photographie est parfaite. Il n'y a rien à dire. Il est très bien. Il est bien, vraiment. Je pense qu'il est sous-estimé et qu'il est injustement bâché. Je le dirai, je leur dirai. Ouais, je mourrai sur cette colline. Je mourrai avec toi. Mais oui. Nous mourrons tous ensemble de toute façon. Voilà. Et on va peut-être s'arrêter ici finalement. Merci à tous d'être restés. Alors, on va finir ça très vite, mais je vais juste remercier les gens qui ont offert des abonnements. On a eu un train de hype au début du stream, donc merci à tous. Il y a Monsieur Odd, il y a Jean Euseb qui a offert des abonnements. Gluntime a pris un abonnement aussi. Enfin, il y a eu, voilà. Vous êtes fous. Merci à tous. C'est pas nécessaire, mais ça fait vraiment plaisir. Je vois qu'il y a eu tout ça. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints aussi, qui nous suivent à présent. Merci à tous d'être restés parce que vous êtes encore très nombreux à cette heure-ci. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, des remerciements, des petites choses? Merci à Benjamin. J'allais y venir. Merci effectivement à Benjamin d'être venu. Qui donc? Merci à toi. C'est très gentil. J'espère que ça t'a plu. Parce qu'effectivement, tu ne nous connaissais pas avant. Je suis débarqué dans tes messages privés. S'il te plaît, tu peux venir. J'aime beaucoup ce que tu fais. Le mec prend des risques. Ouais, plaisir. J'espère que c'était pas déplaisant pour toi et puis que t'as pu découvrir aussi d'autres choses. Parce qu'effectivement, tu me disais que t'étais pas trop fan de Star Wars. J'espère que ça. Pas dans votre sens à vous, quoi. Je suis pas fan érudit. Mm. Mais j'aime beaucoup Star Wars, quoi. Mais je suis pas un vrai fan. Mais voilà, du coup, t'as été au contact de vrais fans et t'as vu, on sent pas la sueur. Non, on s'est lavé. On s'est lavé avant. Qui sont vraiment en mode les étagères remplies de novélisations et trucs comme ça. Donc, je connais un peu, quoi. j'ai déjà lu des BD d'univers étendu et tout. Mais je n'ai jamais eu le truc vraiment d'embrasser tout l'univers, quoi, du truc, quoi. Ouais, bon, c'est notre croix. C'est notre fardeau. Ouais. Peut-être qu'on peut en profiter pour annoncer que on fera des lives à propos de la série The Bad Batch. On n'a pas encore les dates exactes de nos lives, mais si vous êtes vendredi prochain pour le premier. Sûrement vendredi prochain. Ouais. Si vous attendez la prochaine série d'animation The Bad Batch, on en fera des récapitulatifs tous les vendredis sur Twitch ici même. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook. Et également sur Spotify et toutes les plateformes de streaming audio. D'ailleurs, on peut te retrouver aussi sur Twitter, Benjamin, @bolchegeek, et puis sur YouTube surtout, évidemment, oui. Avec tes super vidéos. Si vous ne les avez pas vues, ils sont là à cause de toi, donc je ne vais pas leur dire d'aller les voir, mais allez les voir. Pas forcément. Ah, les abonnés. C'est Eridan. Eridan qui reçoit les abonnements. Merci. Ils sont fous. Incroyable. Demande à quand un live sur Calcatarn, et eh bien tu verras ça avec 10 minutes. Tu verras ça avec Pardon, là vous m'avez réveillé là. C'est une attaque. Non, mais... recouche-toi. C'est une attaque personnelle, Zach, je le prends personnellement. Il y a des règlements de compte, ça se larde dans les Ouais, comptes. toujours, exact, toujours. Tu veux plutôt qu'on fasse un live sur Pleven. Oh là bah. Bon, allez. Allez, on va y aller. Hein. Ouais, il est temps, ça part en couille. J'espère que ça vous a pas déplu. C'est une des premières fois que je host aussi longtemps, je crois, en tout cas. Cool. J'espère que c'était pas trop nul. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de lutter pour vos acquis sociaux. Parce que même si on est le 2 mai maintenant, c'est toujours valable. Et que la force soit avec vous. Ciao. Ciao. Allez, les gens.